Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessier nous présentera sa chronique Best of, la crème de la crème. Cindy Gilbert nous remettra sur le piton comme elle le fait si bien dans Activer votre santé. On va dépenser au dernier cent dans le segment sexe. Ça ne devrait pas en là. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 9 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis seul capitaine à bord de ce SS requis ce matin. Stéphanie Paradis est en congé, elle va être de retour demain. Par contre, j'ai Alexandrine Pichessier avec moi, donc bonjour tout de suite. Salut! Ça va? Ça va bien toi? Très bien, très bien. Veux-tu le plan de l'émission d'aujourd'hui? Ben oui, pourquoi pas? Toi qui es une auditrice fidèle, tu veux savoir à quoi t'attendre? Donc à 8h, Cindy Gilbert et sa chronique Activer votre santé. Cette fois-ci, on va parler d'alimentation, mythes et réalités. Un peu la suite de la deux semaines. C'est exactement ça. Ensuite, à 8h35, ça ne devrait pas là, la colonie de gadgets inutiles. Donc, on va aller sur Internet magasiner, mettre ça dans son cart, dans son petit panier, puis jamais l'acheter parce que c'est trop cher, trop d'affaires. Donc, ça, c'est à 8h30. À 9h, à la chronique Zone Campus. Je vais m'en occuper cette semaine parce que Stéphanie n'est pas là. Donc, on va survoler le plus récent numéro. Yay! C'est l'avant-dernier de la session. C'est presque fini. Oh, dis pas ça. Ben non, dis pas c'est ça. C'est stressant. Les émotions. Mais on va débuter avec toi, Alexandrine Pichessier, dans quelques instants. La crème de la crème. Oui, de quoi on parle cette semaine dans la crème de la crème? Cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps en dehors de mon domicile. Alors, je vais vous dire mes coups de cœur trifluviens, toutes catégories confondues. OK, donc du divertissement, ça peut être de la bouffe, ça peut être n'importe quoi. Anything, my love. Anything. Oh, Colin. Hey, veux-tu animer l'émission au complet avec moi? Okay. Donc, Mordicus va débuter l'émission. Une nouvelle entrée, ça fait partie d'un groupe absolument incompréhensible de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 nouvelles entrées dans le palmarès cette semaine. Wow! Incroyable. Donc, Mordicus, voici ma grande gueule. On écoute ça dans quelques instants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aime beaucoup la pochette. 8. Ça fait très cartoon. C'est vrai, hein? Moi, je commande toujours les pochettes de CD. j'ai de la misère à compter un matin. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Mathieu, c'est compréhensible. Hey. Difficile, merci. De rien. Bonne émission. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai de la place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là où les rêves deviennent réels. Dans ma grande gueule, on s'en va découvrir. Mordicus et ma grande gueule. Deuxième extrait de l'album Cri Primal, on les connaît pour Le Roi Soleil, un bon vieux classique qui nous a quittés la semaine passée. Un autre classique dans la vie, hein? Classique a le mot, la syllabe classe dedans, hein? Et qui dit classe, dit Alexandrine Pichessé. Voici la crème de la crème. C'est la crème de la crème. J'adore mon intro, toujours. Puis dans deux semaines, quand je vais revenir, est-ce que je vais pouvoir t'amener une version de cette chanson-là que j'adore, ben oui, de Jill Barber? C'est sûr. Je vais te faire ça, le CD, il est rose, il est magnifique. Ah, génial, juste pour ça. Là. Oui. Toi qui aimes les pochettes et les couleurs de disques. Mais moi, je suis le genre de fille qui, avant de louer un film, il faut que la pochette soit belle, sinon je ne le prendrai pas. Ah, d'accord. Bon, alors Mathieu Plante, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, ça va? Oui, t'as passé un beau deux semaines en dehors de ma compagnie. Ah oui, ben tu sais, je fais avec, hein. J'ai pas le choix. Ben oui. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais peut-être à cause du printemps, je suis beaucoup plus sortie de chez moi. OK, ben c'est le fun, ça sert à ça, hein. Ben oui, puis je me suis dit que j'allais mettre ça en lien avec ma fabuleuse carrière de chroniqueur à Assemblage Requis. Oh, le glamour de la chose, hein? Ben, j'aimerais tellement ça être payée pour faire ça, ça serait merveilleux. C'est que t'arrives dans un restaurant, bon, OK, je vais prendre la spécialité. Ouh. Je vais faire une chronique là-dessus. Bref, je vais essayer de retourner dans ma tête comme mes coups de cœur que j'ai vus pendant mes deux semaines de sortie extrême. OK, ça va remplir la chronique au complet les deux dernières semaines tellement t'es sortie, c'est que t'es sortie énormément. Oui, bon, on va discuter entre ça aussi. Presque, oui. OK. Je suis quelqu'un de dynamique dans la vie. Ben oui, est-ce que tu vas en ordre chronologique ou en ordre de... En ordre de ce que je me souviens. Okay. Donc, première chose, je suis allée au Bulk Barn. Ben oui, magasin c'est à... C'est tellement drôle. À Vrac. Oui, puis je pense que t'es allée toi aussi des fois avec Stéphanie pour la bouffe de la semaine. Stéphanie aime beaucoup dans la bouffe de la semaine qu'on fait le jeudi matin à 9h choisir quelque chose qui n'a pas été acheté nécessairement en vrac parce qu'il n'y a pas juste des produits en vrac chez Bulk Barn. Non. Mais ça fait en effet de très bonnes chroniques, des produits de qualité, me dit-on. Moi j'ai découvert, c'est des amandes enrobées de yogourt grec. Bien. Je sais pas si vous connaissez Pierre-Christophe Falardeau, qui fait aussi de la radio assez fou, PC, mais il oui. capote là-dessus. Alors, je le salue, je sais pas s'il m'écoute, mais bref, c'est son coup de cœur. Puis il y a vraiment plein de choses. Cependant, je vous conseille de ne pas acheter vos jujubes chez Bulk Barn. Ça coûte plus cher, là, c'est ça? Premièrement, ça coûte plus cher. Puis deuxièmement, il y a beaucoup d'autres boutiques qui vendent les mêmes produits puis qui c'est favorable d'encourager. Ouais. Même si Bulk Barn, c'est canadien en tant que tel, donc au moins on encourage le Canada, on n'encourage pas une grosse multinationale. Oui, mais c'est mieux d'encourager les commerces fluviens, Mathieu! C'est mieux local. Mettons, exemple, une boutique de bonbons au centre-ville. Genre? Mettons, où tu travailles, peut-être. Par exemple. Mais d'autres choses au Bulk Barn qui est vraiment le fun à acheter, c'est par exemple de la farine ou du sucre. Ou des choses indispensables à la vie. Je pense que tu peux même faire ton propre beurre de peanuts là-bas. C'est exact. Il y a des machines, des espèces de, je sais pas, c'est comme une soft serve, on dirait une machine à crème glacée, mais tu te fais sortir ton beurre de peanuts d'arachide dans un bol. C'est vraiment le fun. Oui. Puis moi, je sais pas, c'est comme ma petite sortie quand je vais avec mon chum, on est bien de bonne humeur. Puis en plus, c'est comme une espèce de gros moule à gâteau en canard. Là, tu peux les louer, hein? On peut les louer. Oui. Mmh. Ben, en tout cas, c'est ce que je me rappelle. Ouais, tu peux les louer. En tout cas, t'es plus expert du Bulk Barn que moi. Pas tellement. J'espère ne pas dire de mensonges. Je sais que Dany Janvier, animateur du Dîner de con ici, assez fou, m'a recommandé. J'ai pas encore essayé, là, mais il ne jure que par ça. C'est des bretzels à la pizza. Chez Bulk Barn. Il dit que c'est absolument génial. Il faut absolument que j'essaie ça. Donc, je vous le recommande à vous. Ça va même le savoir. J'en apporterai dans deux semaines avec ma chanson de Jill Barber. Ah, d'accord. Juste à côté du Bulk Barn, un classique, le Winners. Ben oui. On dit qu'ils ont du beau stock. Winners Home Sense, donc le meilleur des deux mondes, les vêtements et les trucs pour la maison. Tu peux pas rentrer là puis pas dépenser, c'est comme inévitable. Ben, c'est ça, on l'a pas dit pour Bulk Barn aussi, mais ça, tu sors pas de là à bas prix. Là. Ben, ça dépend, faut être raisonnable. Oui. Moi, ça me coûte jamais en haut de 20$. Là. OK. Pas toi? Ben non, les sacs ont tendance à avoir l'air léger. T'es mis sur le truc, puis c'est super cher. Mais bon, chez Winners, c'est plus facile de me contrôler. Mais j'aime bien magasiner les vêtements chez Winners. Oui, parce que... Les jeans, entre autres. L'autre jour, je me suis trouvé une robe à 8$, puis elle est vraiment belle. À chaque fois, j'aime, c'est comme, ouais, belle ta robe! Ils vendent du café aussi chez Winners. Oui, Starbucks. Bon. Mm-hmm, mm-hmm, parce que moi, puis toi, Mathieu, on est des amateurs de Starbucks. On connecte sur le Starbucks. Le meilleur café. Il en faut un à Trois-Rivières. Je pense que je vais faire signer une pétition. Ben, c'est ça, parce qu'à l'intérieur du Target, tu savais qu'il y a un ben Starbucks. Oui, j'en avais parlé à ma première chronique. Puis, mais tu sais, c'est plate quand tu te reviens et tu es comme, bon, je suis pas dans une ville, je suis dans un Target. Et voilà, exactement. C'est trop loin, c'est pas assez pratique. Ben oui, puis tu peux pas le boire là. C'est zéro classe, là. En tout cas. Mais non, puis une longue file d'attente parce que c'est tout petit, cette affaire. En tout cas, bref. Ouais. Une autre chose que j'ai découvert, c'est le restaurant Mousse au centre-ville. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es déjà allé? Oui, je suis déjà allé. C'est un bar de sport un peu. Oui, hein, c'est très viril. Oui, oui. Parce que mon copain avait gagné des certificats cadeaux, fait qu'on est allé. Mais c'est, y a de la, vraiment, la nourriture est excellente, le service impeccable. Moi, j'ai mangé des pâtes, c'était bon, mais mon chum, il a pris, c'était une pizza aux côtes levées. Miam! OK. C'est vraiment bon. Salade César, je pense que c'est la meilleure que j'ai mangée à Trois-Rivières. Wow. Vraiment. J'en ai mangé beaucoup, des salades César. Oui, oui. Oh. Ben, en fait, j'en prends pas, je pique à mon chum qui en prend tout le temps. Puis il y a vraiment du vrai bacon dedans. OK. C'est super bon. Toujours. Sinon, qu'est-ce que j'ai découvert? Donc, j'ai découvert le presse-papier. L'atelier presse-papier. Ben, c'est comme atelier galerie d'art parce que quand tu rentres, c'est la galerie, puis en arrière, c'est l'atelier. OK. Il y a toujours des expositions, puis je suis rentrée là comme un coup de vent un peu, puis c'est vraiment beau. C'est où? C'est au centre-ville, je pourrais pas vous dire quelle rue. Il y a la rue Notre-Dame-Centre. Puis c'est une des rues à droite. OK. Parce qu'Alexandra Carignan s'en parle une fois de temps en temps à sa collègue Le Temps d'une culture le mardi matin. On dit tout le temps, ah ouais, je vais y aller, je vais y aller. Puis on n'y va jamais. Mais c'est donc que t'es passé devant, t'es allé. Je suis rentrée parce qu'il fallait que je pose une question à la madame. Puis j'ai vu que c'était vraiment beau comme endroit. Et tu vas y retourner donc? Ben oui, je vais y retourner, c'est certain. Ben oui. Mais justement, j'étais à Alexandra Carignan en m'en venant dans la voiture oui. ce matin. Puis mon Dieu, je suis complexée. Hein. Ah, elle est tellement cultivée et belle et précieuse, Alexandra Carignan. Moi, je vous trouve très similaire, les deux. Ben, on est des bonnes amies. On se connaît bien, on s'aime beaucoup. Faudrait qu'on anime de quoi ensemble à un moment donné. Pourquoi pas? T'sais, pour vrai, toi, t'animes la crème de la crème, t'es les précieuses ridicules, t'es une fille super classe. Alexandra Carignan, dans le temps, animait le boudoir et elle mm-hmm. s'appelait Lady Carignan. Donc, précieuse. Précieuse touchée, Lady Carignan. Le mélange parfait. C'est génial. L'invitation est lancée, Alexandra, si tu nous écoutes. Voilà. sinon, toujours dans la catégorie artistique. Tout près d'ici, la Galerie R3 ben oui. du Benjamin Sulte. Sur le campus. Oui, c'est l'exposition, je ne vais pas me tromper. Là, c'est parce que je pense, je ne m'en souviendrai plus. Emmanuel, j'ai un blanc. Drôle de nom. Non, mais c'est quoi son nom de famille? Je le sais, je le savais, je l'ai vu toute la semaine. Bref, c'est l'exposition Broyer du noir. C'est oui. vraiment intéressant, très, très épuré dans les teintes noir, blanc, gris. Puis c'est vraiment à côté, puis c'est tellement apaisant comme lieu. Tu sais, je voulais juste aller faire vos lectures un peu en dehors d'un endroit qui a du bruit. Vous allez voir l'expo, on s'assoit, on ouvre notre portable, puis c'est vraiment zen. Je sais ouais. pas si t'es allé voir. Non, je suis pas encore allé. J'allais à l'ancienne une fois de temps en temps parce qu'il était dans le pavillon ici, mm-hmm. les Rébeauchemins, dans une galerie d'art. Depuis qu'ils ont déménagé, non, je ne suis pas allé encore, malheureusement. Mais c'est un débat aussi. Tu sais, nous, quand on a vu que notre galerie allait être détruite, c'est sûr que ça nous a fait un peu de peine. Ouais. C'est sûr que c'est cool d'en avoir une nouvelle, tu sais, toute flambant neuve. Mais je pense qu'elle est moins accessible. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Faut vraiment que tu t'adonnes. Faut que tu passes par là, que tu veuilles y aller. Ouais. Alors qu'ici, c'est comme tu peux passer devant, tu sais, c'était dans le corridor à côté de plein d'autres choses. C'était à côté des gardes de chapelle. Sécurité, la chapelle de ces fous, tu sais. Donc, c'est un petit peu moins accessible. Par contre, en tant que tel, la galerie d'art, c'est juste c'est des murs blancs avec des petites colonnes. Y a pas, c'est la même pièce physiquement presque que l'ancienne galerie. Ouais. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que l'ancienne? J'imagine que c'est similaire. Ouais. S'il y a quelque chose, je pense que c'est peut-être un peu plus petit. OK. Je sais qu'on la voit de dehors, c'est la bâtisse blanche avec des fenêtres colorées style vitrail. Oui, quand on rentre par des forges et ouais. qu'on tourne à droite ou que le Benjamin Sulte. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu plate. Oui, c'est dommage, mais bon. Ça coupe la visibilité. Exact. Bon, hey, on parle rapidement. Ben oui, on n'arrête pas d'en dire des choses. Hein. Tu veux-tu mettre une petite toile? OK, on va mettre une petite chanson. J'essaie de trouver une chanson qui a rapport avec ce que tu dis. Ah oui, tiens, on a une nouvelle chanson de Radio. OK, ben c'est que ça, comme ça, je vais pouvoir chercher le nom de la personne qui expose à R3 pour pas avoir l'air complètement inculte. C'est parfait. Pendant qu'on écoute leur extrait Fifty Shades of Beige. OK, tu vois, beige. Du beige, c'est comme de la couleur, c'est comme de l'art. Oh, wow! C'est la le lien. Pas pire. Hein? Du khaki, c'est khaki avec un two-tone version du beige sur beige. C'est comme un nouveau gris, happy gris. Tu sais, c'est comme beige. Je vais mon beige, swear and nothing better. Du beige sur beige, c'est comme un bucket sur stage. Porter du beige, tu vois la vie en rose. Je vois la vie en beige. So beige, bixi, bicyclette avec des roues en beige. J'ai des dimos que tu portes quand c'est fil plutôt beige. C'est ma couleur, puis je vois porter du beige. 50 shades of beige. shades of beige. On a toutes les couleurs du rainbow. Ben moi j'pique la couleur beige. 50 shades of beige, feel. 50 shades of beige, j'pique 50 shades of beige, feel. 50 shades of beige, j'pique 50 shades of beige, feel. J'fail 50 shades of beige. So say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. J'ai la happy gris, slide passant pour la vie. C'est que j'porte ça que j'dis, pas besoin de jubilee. Peach t'es le pantone, ça qui me jette à la zone. Couleur que t'es king, couleur beige, t'es mon trompe. Never mind, a black on black, nous c'est le beige. Le beige en beige, puis le beige en beige. Bright beige, light beige. So dis-moi quoi tu portes quand tu files du tout beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je porte du beige. 50 shades of beige, j'fais 50 shades of beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je porte du beige. Beige don't age, beige don't age, beige c'est la couleur du no age. Beige don't age, beige don't age, beige c'est la couleur que j'porte sur stage. Beige don't age, beige don't age, beige c'est la couleur ma Facebook page. Beige don't age, beige don't age, beige c'est ma couleur puis la couleur don't age. Tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's beige out. Cause que j'file n'est beige, il faut que tu beige pour te rendre n'est beige. C'est ça que beige, part du beige, ça que best, c'est ça que beige. Beige in, beige out, faut que tu beige it all about. Beige in, beige out, faut que tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, merci, donc, Myriam Lortie. C'est très beau, très bien dit. Donc, on est toujours avec Alexandrine Pichessir. Oui. C'est la chronique La Crème de la Crème. Et cette semaine, on survole un peu le meilleur de la période de deux semaines qu'on a vécu séparés, toi et l'émission. Oui. Donc, sur deux semaines, c'est passé bien des choses. Oui, il me reste encore deux petites places, mais non les moindres. Mon bar préféré au centre-ville depuis quelques temps, c'est vraiment le trèfle. Oui. J'aime tellement ça aller là. Je me sens en Irlande à chaque fois. Puis, leurs cidres de pommes sont tellement bon. Je sais qu'on peut s'en procurer partout, mais on dirait qu'il est froid juste parfait. Puis là, ça fait un petit black velvet quand on met ça avec de la bière noire. Mm-hmm. Puis les flames, un flames frites au trèfle, là, c'est bon. Explique-moi là, ça, c'est quoi ça? Un flames, là, je regarde Cindy Gilbert un peu du coin de l'œil. Tu peux parler quand elle veut. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Des flames, c'est comme une espèce de pizza, mais elle est très, très mince, vraiment très croustillante, un peu comme si on faisait une pizza sur un pita avec des frites belges. Tu sais, des fois, une fois de temps en temps, on peut se le permettre, hein, Cindy? Ben oui. Dis-moi que je peux manger ça, mais Cindy. Ben oui, trempe ça dans ta bière, c'est super bon. Oui, oui, c'est ça. Et la dernière place qui est mon coup de cœur, puis c'était fermé depuis un bout, ça l'a rouvert au mois de février, et j'aime tellement ça rentrer là, ça me rend heureuse, c'est chez Minuscule. Mais ça, c'est des petits gâteaux, hein? Oui, c'est des cupcakes! Cupcakes. Puis c'est tellement beau, la boutique, elle est comme toute blanche et grise. J'ai dit à mon chum que je veux vraiment que ce soit ma prochaine cuisine, qu'elle soit vraiment pareille. Puis il y a comme des espèces de lustres. Puis c'est une pâtisserie vraiment spécialisée en cupcakes. Je pense qu'ils font aussi des macarons. Puis là, avant, il y avait juste comme des petits, minuscules cupcakes. Mais maintenant, il y en a des plus gros. Alors, pour les personnes qui ont plus d'appétit, c'est le fun. Puis je pense qu'ils servent aussi des potages. Puis ils ont maintenant comme une machine espresso. Alors, on peut prendre son café avec son cupcake, faire ses devoirs. Tu croirais dans Sex à New York, je sais pas trop quoi. Vraiment, dans Sex in the City. Puis j'aime ça, les gens sont sympathiques, ils ont des beaux tabliers comme avec des cupcakes. Puis moi, je trippe, c'est vraiment ma place, puis j'adore. Mais je suis curieux parce qu'au centre-ville, on se dit minuscule pour les petits gâteaux et on a parlé de petit B tantôt, disons le nom, pour la boutique de bonbons. Et donc, les minuscules, ça veut dire que c'est quelque chose de sucré, c'est ça? Minuscule, petit B, c'est un B minuscule, ça? Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre les deux? Non, vraiment pas. Petit B, dans le fond, le B, c'est pour bonbons, bouchées et bonheur. Ah, d'accord! Puis minuscule, j'imagine que minuscule parce qu'ils font des tout petits cupcakes. Ben oui. Puis pour Pâques, là, si vous voulez comme faire une surprise à vos enfants ou à votre conjoint, ils ont des super beaux cupcakes de Pâques. Là, ils sont vraiment cute, des petits coussins. Je prends des notes. Puis sinon, juste en face, il y a le traditionnel le Planète Poutine où je suis retournée et j'adore tellement. Là. C'est bon, il y a même des poutines bonnes pour la santé, c'est digital. Ouais! Comme? Ouais, on veut des exemples. Ben, c'est pas de frites, pas de fromage, pas de sauce. Il y a un bol. Ben, il y a la végétarienne. Là, au moins, il y a des légumes, il y a des vitamines. Ah, ouais. Ben ouais, ça peut être avec des frites de patates douces. Ah, ça pourrait être. Ou des frites de navets. Ouais, c'est super bon. Mais aussi. Non, il n'y en a pas là-bas, mais ça pourrait arriver. Un jour. Alors voilà, le cupcake de la semaine est remis à la boutique minuscule. C'est drôle. Yeah. Ah, ça fait un bon repas. Là. Tu, ça peut faire, tu pourrais faire une journée basée sur ce que tu nous as donné. Tu passes par la galerie d'art R3, tu sais, tu vas faire dîner. Au mousse, exactement. Tu finis ta journée avec une poutine, puis un petit dessert, je sais pas, le cupcake. Je suis gourmande, hein? J'ai quasiment juste parlé d'endroits de bouffe. C'est ça. Alors, je voudrais aussi nommer le gym, le Nautilus Plus. Non, ça aurait régial. Un jour. Ouais, surtout, pas Nautilus Plus. Non, c'est ça. Va, tant qu'à aller à un centre d'entraînement, va à celui de Cindy. Ah ouais, au mien. Viens à mon gym, à moi. C'est lequel? Le Cindy Gilbert Plus? C'est le Cindy Gym Bear. J'ai pas de gym à moi. Mais je travaille au Énergie Cardio. J'ai pas pogné mon Cindy Gym Bear. Il est pas à moi. En tout cas, t'es tout en couleur aujourd'hui. T'es magnifique. Ah, ben merci. Alors, c'était tout pour la crème de la crème. Ah, excellent. Dans le fond, là, dans deux semaines, c'est-tu ma dernière émission? Je sais pas, ben c'est pour toi ça, tu sais, c'est vraiment les lignes directrices dont tu peux te foutre si tu veux. Mais techniquement, il nous reste 3 semaines d'émission. Donc toi, la prochaine serait dans 2 semaines, le 23. Okay. Mais tu peux venir le 16, le 23, le 30 ou une combinaison. Je vais mettre le paquet pour la finale, il va y avoir des fireworks. Et faut pas oublier, les enfants, que c'est lapin cette semaine. C'est vrai, ça commence jeudi. Ça commence demain. Ben oui. My God, c'est à la seule année, c'est à la Rousseau, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi à 8h, dimanche à 1h et la semaine d'après, jeudi, vendredi, samedi à 8h. Wow! C'est beaucoup de choses à retenir, mais on aime ça. Soir de fin de semaine à 8h, c'est allégique. On peut réserver des billets, hein, c'est ça? Vous pouvez les acheter directement à la porte. D'accord. Et sinon, sur enspectacle.ca. Oui, enspectacle.ca, il y a des rabais pour étudiants. Puis venez, pour vrai, ça va être vraiment, vraiment bon. Et ça met en vedette votre précieuse préférée, ou en tout cas dans le top 3. Oh. Sandrine Pichet-Cyr. Hey, on te retrouve aux Précieuses Ridicules les lundis après-midi à 13h. Exactement. C'est ça. Ou les samedis après-midi à genre 16h. 16h, juste après toi. Voilà. Et tes trucs de geek. Ben oui. Bien. Là, je t'en parle justement. OK. On s'en reparle. Oh, je me sens accusée. Non. Merci, Alexandre. Est-ce que tu veux faire un peu? Non, je vais retourner. Étant donné que les étudiants sont en fin de session, je dois me permettre d'étudier un brin. Ben, étudie, bonne chance dans tes examens. Merci. Au retour à Cindy Gilbert, vous l'avez entendu, c'est sa chronique Activez votre santé qui s'en vient. De quoi est-ce qu'on parle tantôt, Cindy? Mythes et réalités à propos de l'alimentation. Ah, je savais. Tu vas encore me faire dire quoi manger. Quoi ne pas manger. Quoi ne pas manger, surtout. Mais avant ça, tiens, voici une nouvelle pièce, une nouvelle entrée de Royal Canoe sur le palmarès anglophone. C'est Just Enough. On écoute ça sur ce 89.1 F. Got nothing to hide. Watch our skin lighten up. Curious little ghost. You don't peek, no, you don't. Water washes off your back. Everyone's reflective. Really. L'entrée de Royal Canoe Just Enough au retour à Cindy Gilbert et activez votre santé à Assemblage Requis. Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce mercredi 9 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis est en congé aujourd'hui, mais on reçoit une de ses amies, en fait, une de ses collègues d'entraînement, Cindy Gilbert, aux deux semaines, les mercredis. Et c'est là que ça se passe. Ça va être le moment d'activer votre santé. Cindy Gilbert, bonjour. Salut! Ça va? Oui, t'as tout le temps de l'air essoufflé à la fin de cette run-là. Tellement, c'est tellement entraînant. Ça fait bizarre de te recevoir sans Stéphanie Paradis. Aujourd'hui, je vais devoir dialoguer avec toi sur la santé, les trucs de bien-être. Et moi, je connais pas tellement ça. Ça va être malade. Je vais essayer d'entretenir la conversation. Aujourd'hui, on parle de météorialité sur l'alimentation. Oui, puis là, juste avant d'enchaîner, là, moi, je suis un peu troublée. Okay. La semaine passée, Stéphanie, elle était pas mal poilue. Elle était virile un peu, je trouve. Oui. Cette semaine, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, je sais pas. Écoute, elle s'est-tu transformée en loup-garou? Peut-être qu'elle est devenue trop virile, qu'elle a explosé de virilité. Ça. Fait que Stéphanie, si tu es là, fais-nous signe. Ah, je suis pas sûr qu'elle soit capable en ce moment de nous faire signe de son lit. Donc, oui, on n'a pas Stéphanie Paradis, mais toi, tu es là. On est seuls, toi et moi, pour parler de tout ça. En tête à tête. Excellent. Mm-hmm. Je te bombarde de tout ça. D'accord, j'ai essayé de supporter le poids. Puis là, le concept du jeu, tu sais, hein, moi, je te pose une question, puis tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. C'est encore plus de participation. Puis on rit si tu te trompes. OK, on rit de moi, ça, je suis non, mais ils sont faciles, par exemple. Ils sont faciles, mais j'ai plein d'explications super intéressantes là, pour t'aider à assimiler tout ça encore mieux. Là, fantastique. Pour aller vers une meilleure santé, toujours et encore plus. Alors, je me lance dans le premier mythe et réalité à propos de l'alimentation. Alors, t'écoutes bien? Ben oui, je t'écoute. OK. Il est plus difficile de perdre du poids si on ne déjeune pas. Plus difficile de perdre du poids si on ne déjeune pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ben, j'imagine que si tu ne déjeunes pas, tu sautes un repas, tu manges moins de nourriture, donc tu vas, j'imagine, peut-être perdre du poids. Je sais que j'en connais des gens qui font ça. Ben, sauf que souvent, on va sauter, mettons, le dîner. Sauter le déjeuner, je ne sais pas. Là. Ça peut peut-être être une attrape, ça. Oui, c'est une attrape, effectivement. Ouais, tu as répondu exactement à ce que je voulais que tu répondes. Yes! Dans le sens que c'est vrai que c'est plus difficile de perdre du poids si on ne déjeune pas. Okay. Finalement, c'est un peu l'inverse de ce que tu viens de dire. Ben oui, exactement. Mais comment... J'aime ça, puis c'est pour ça qu'on parle de ces mythes et réalités-là, parce que c'est difficile de savoir, de se démêler là, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que comme qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, si tu dis, si je saute un repas, ben je mange moins de calories, oui. Fait que je vais perdre plus de poids. Je suis gagnant à la fin. Oui, c'est ça, mathématiquement parlant. C'est logique. Oui. Le grand public trouve ça logique. C'est logique, c'est ça qui est fun. Puis c'est pour ça qu'on se pose cette question-là, puis que c'est mêlant à la fin. Mais c'est vrai que ça va être plus difficile de perdre du poids si on saute un repas. Ce qui arrive, c'est que c'est déjà bon là, de décomposer le mot déjeuner. Okay. Déjeuner, qui veut dire enlever le jeûne. Ben oui. Donc, tu sais, si mettons, on se dit à partir du soir, mettons, je sais pas, moi, 8h30 du soir, on mange plus, jusqu'à temps qu'on aille se coucher. Ouais. Puis habituellement, on dort autour de 6-8 heures par nuit. Donc, ça nous fait déjà une période de jeûne de peut-être 8-10 heures qu'on ne mange pas, techniquement. Sauf que c'est une fringale, puis tu te lèves en premier de la nuit pour aller grignoter quelque chose. Un petit peu de gâteau. Là, techniquement, on est en période de jeûne durant une grosse, grosse période et sur le 24 heures. Et ce qui arrive, si on ne déjeune pas pour casser ce jeûne-là, mais on prolonge le jeûne encore plus longtemps. Puis des fois, il y en a qui se rendent jusqu'au dîner. Ouais. Fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent passer 16-18 heures sans manger. La problématique qui va arriver, c'est que oui, on consomme moins de calories à ce moment-là. Là, mais le corps, il stresse pendant ce temps-là. Okay. Il se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Elle me donne pas assez de carburant. Fait que le corps, dans le fond, qui est si bien fait pour pouvoir assurer notre survie, il se dit, bon, ben panique générale, elle me donne pas assez de nourriture, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode survie. Un peu comme le fait un ours, c'est-à-dire en mode hibernation. Donc, tu accumules toutes tes graisses, puis ton corps, il se dit, ben là, j'irai pas puiser dans mes graisses parce que j'ai peur que la prochaine fois, le jeûne dure encore plus longtemps. Ou dire, ben si ça arrive souvent qu'elle me fait jeûner des périodes de 16 heures, 12 heures, 10 heures, 18 heures, des fois, il y en a que c'est long, le corps, il stresse encore plus. Puis là, l'image est bonne aussi, je vais le faire l'exemple de la diète du lutteur sumo. J'ai déjà entendu parler de cette diète-là. Il me semble qu'il mange beaucoup, beaucoup, non? Il mange beaucoup, beaucoup, mais il utilise justement ce stress-là que le corps a d'accumuler les graisses si on le prive longtemps de manger. La diète du lutteur sumo, à vrai dire, c'est qu'il mange un seul repas dans une journée. C'est pour ça qu'il porte des couches. Facile. Je n'avais pas vu ça de même. Lui, il va utiliser le stress justement de dire, ben regarde, toute la journée, mon corps va être en mode économie. Je vais économiser toutes mes graisses. Toute la journée, mon corps va stresser pour le prochain jeûne. Il va manger juste un repas par jour, mais attache ta tuque, par exemple, parce que dans ce repas-là, il va en manger en tabarnouche des calories. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il mange, mettons, dans son buffet? Ça doit être plein d'œufs. Hein, ça doit être comme plein d'affaires grasses, ça, c'est sûr, là, parce que le but, c'est, ben, tu sais, les lutteurs sumo, dans leur pratique de sport, c'est d'accumuler le plus possible de graisse pour être le plus possible pesant pour pouvoir garder son adversaire au sol. Ben hein, oui. C'est ça le but. Ce qu'il n'a pas pensé, c'est le côté santé. Ah, c'est moi. Ouais, le diabète, taux de cholestérol, toutes les problèmes qui viennent avec, il doit avoir ça à côté dans le tapis. Mais c'est bon, une parenthèse, là. Ouais. J'irais pas faire la morale à un lutteur sumo, j'aurais pas de toute façon. Mais c'est le principe qu'il va utiliser quand même pour pouvoir accumuler ses graisses. D'où l'importance de déjeuner. On va dire casser ce jeûne-là, ça va nous permettre justement d'enlever le stress au quotidien à notre corps, puis de perdre plus de calories dans notre journée. Mais donc, si quelqu'un veut vraiment sauter un repas, tu leur conseillerais de sauter le dîner ou juste pas sauter rien? Saute pas. Puis les plus petits repas, c'est ça? Oui. Puis même, hein, ça peut être suggéré de manger... Tu sais, là, nous, on est habitué de manger 3 repas. C'est une question de collectivité, c'est une question d'habitude. Mais il pourrait être recommandé de manger 5 repas par jour, mais des plus petits. tout simplement pour éviter d'avoir la faim. Parce que, finalement, à la fin de la journée, on mangerait exactement le même nombre de calories, mais on éviterait les grandes périodes de jeûne entre chaque repas. Donc, à place de faire comme un ours qui va prendre pas se mal de gaver. Tu fais comme un écureuil, tu mets de la bouffe dans les joues. Ben oui, c'est ça que je retiens de ça. Tu vas mettre des noix dans les joues tout le temps. Ben déjà, si tu retiens ça, ça va être déjà bon. OK. Il va se mettre des corquettes dans les joues. Bonjour, je suis bien, ça va? Fait que, finalement, la morale de cette histoire, il faut déjeuner pour s'aider à perdre du poids. Fait qu'arrêter de penser qu'il faut sauter un repas pour nous aider, ça nous aide pas. Bon. Manger, puis manger plus souvent. Okay. Fait que, c'était ma première... mon premier... voilà. Très bon. Réalité. Ouais. Deuxième. T'écoutes attentivement. Bien sûr. Si je fais un régime drastique, vais-je perdre rapidement du poids et le maintenir? Le maintenir, c'est ça le facteur important. Ah, un peu. J'ai mis un gros accent sur le « et ». Donc, j'imagine que tu vas perdre du poids. Tu vas penser que tu perds du poids parce que, bon, comme on dit, tu perds l'eau, là, je pense. Ah, bonne réponse. J'ai entendu ça là-dedans. T'as chaud dans la réponse. Je perds du poids en ce moment, comme c'est pas possible. J'ai jamais perdu autant de poids. Donc, ben, ça sera pas conservé parce qu'il faut que ce soit de longue haleine, un régime, j'imagine. Il faut pas que ce soit quelque chose de. Tu peux avoir une pilule puis tu vas perdre du poids, mettons non plus. T'sais. Voilà, ben, ta réponse est super bonne. Épuisant, ça. Un régime drastique. Tu sais, la question, c'est est-ce que je vais perdre rapidement du poids? Oui. Oui. Mais est-ce que je vais le maintenir? Non. Donc, la réponse est faux. Peut-être. Ah, c'est faux. Ouais, peut-être. Dis-moi, je dis peut-être pour être sûr de ma réponse. C'est faux. Tu sais, le même ordre d'idée que la diète du lutteur sumo et tout ça, là, le fait de faire un régime drastique puis de couper en calories. Souvent, un régime drastique, ça veut dire, dans notre tête, de couper en termes de nourriture. Là, oui. Je vais manger moins. Ben, le corps se met en mode panique. C'est la même affaire hein, que l'histoire du déjeuner. Mmh. C'est la même problématique qui se fait, puis on se tombe en mode économie. Tu manges que de la laitue, mettons, tu sais? Oui. En mode lapin, un peu. Oui, oui. Puis là, t'es en mode stress. Mmh. Ben, ton cerveau, pas tant. Ben oui, mais tu t'en rends pas nécessairement compte, mais ton corps, il se dit, wow, le fou. Il me refera pas ça deux fois. Je vais mettre en mode hibernation, comme les ours, puis je vais accumuler. C'est la même chose au niveau des régimes drastiques. OK. Y a un autre truc qui va arriver à ce moment-là, c'est que quand notre corps n'a pas assez de calories, il va se mettre à gruger, oui, dans nos graisses, mais il va venir se mettre à gruger dans notre masse maigre aussi. Masse maigre qui veut dire notre masse musculaire. Okay. Et d'autres trucs aussi qui est autre chose que du gras, mais mettons qu'on va parler de la masse musculaire, ce qui arrive, c'est que t'sais, il faut qu'il y ait un carburant à notre corps. Fait que si on n'y en donne pas assez dans notre quotidien, il va aller chercher où ce qu'il peut. Où ce qu'il peut, c'est dans les muscles. Où ce qu'il peut, c'est dans les os. Fait que tu sais, oui, ça peut même causer des problèmes au niveau des os. Ouais. Si on donne pas assez de calcium, ça c'est un exemple, à notre corps, il va aller en chercher à l'intérieur de nous. Où est-ce que nous, on a du calcium à l'intérieur des os? Fait que tu sais, ce qu'on dit, ça nuit à la santé des os. Il y a une raison, là. Si on ne fournit pas assez de nutriments à notre corps, il va aller le puiser où ce qu'il peut. Puis ça, on s'en rendra pas compte avant qu'il soit trop tard. Ben oui, c'est ça. Puis tu dis, un coup, tu perds ta masse osseuse, puis que là, tu te blesses, ben c'est sûr. Puis là, l'ostéoporose, après ça, là, c'est difficilement réversible. Ouais. Là, on peut éviter, limiter les dégâts, mais c'est difficile de revenir en arrière. Mm-hmm. Puis même chose, si on fait une diète drastique, puis qu'on prive, par exemple, si je parlais du calcium, mais mettons qu'on parle de protéines, on prive notre corps de protéines, on n'y en donne pas assez, bien, notre corps, pour pouvoir aller puiser dans nos réserves, il va aller manger dans nos muscles qui sont constitués de beaucoup de protéines. Wow. Fait qu'on perd notre masse d'os, notre masse de muscles, on perd beaucoup d'autres choses. Oui, bien, ouais. Tu deviens faible. Mais ce qui se passe à la balance, c'est ça qui est mêlant pour monsieur, madame, tout le monde. Ça se passe c'est pas. Que on perd du poids. En tant qu'être humain sur la planète, là, t'es beaucoup moins pesant quand tu vas faire une diète drastique parce que tu perds un peu de gras. Il va aller se nourrir quand même dans tes réserves de graisse, mais tu perds de la masse musculaire, tu perds de la masse osseuse. Et comme tu disais si bien, tu perds de l'eau aussi. Dans les régimes drastiques, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va te causer une grosse déshydratation. Fait que dans la première semaine, deux premières semaines, whoop, tu perds 5 livres. Mais c'est là tu vas avoir confiance parce que tu as perdu 5 livres tout d'un coup. Oui, t'es tout content. Mais... Yes, 5 livres de moins. Mais c'est de l'eau. C'est pas du gras. C'est pour regarder juste la balance. Tant qu'à ça, de ménage à la lune, tu vas être moins lourd. Ben, ouais, on va toutes là, en barque dans la valise. Fait que, mais tu dis, c'est pas bon pour la santé de notre corps en tant que tel. Ouais. Tu dis, je suis moins pesant en tant qu'être humain, mais tu sais, tout le reste, là, ma santé paye pour. Là. Fait que c'est pas plus avantageux à ce niveau-là. Fait qu'un régime drastique, c'est ce que ça va aller faire dans notre corps. Fait que c'est pas bon pour la santé. Et la problématique, c'est le maintenir à long terme. C'est à partir du moment où on fait quelque chose de drastique, qui est difficile, habituellement, tu sais, je te dis une moyenne de même, c'est une statistique que je viens de trouver dans ma tête. Après deux semaines, on capote. On revient sur le top parce que c'est trop difficile de dire, bon, ben OK, là, à partir de maintenant, là, je coupe dans les sucres, dans les gras, dans le je mange plus de resto, je bois plus d'alcool, je mange plus entre les repas, je vais manger juste 1000 calories par jour. Regarde, c'est ben trop difficile. Là. Fait que là, on se dit, OK, bon, je veux perdre 10 livres. J'ai perdu mon 10 livres en deux semaines. Yes, en faisant une diète à soupe aux choux, par exemple. C'est une diète populaire qui existe, que je suis d'ailleurs vraiment pas d'accord avec le principe. Parce que quand ça fait deux semaines que tu manges de la soupe aux choux, t'es tellement tanné qu'après ça, tu peux même plus rentrer un chou chez vous. Là, c'est fini la vie. Là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la problématique, après bon, deux semaines pour les plus tenaces, un mois, deux mois, trois mois de ce gros stress-là, puis de la difficulté à, bon, avec toutes les privations qu'on apporte, la problématique, c'est qu'après ça, on revient à nos anciennes habitudes de vie. C'est sûr. C'est sûr parce qu'on ne peut pas maintenir ça toute une vie. Là. Fait que le fait de faire une diète drastique, ça nous empêche de pouvoir maintenir ça à long terme. Fait que la problématique, c'est que l'exemple que je donne souvent, si en ce moment, exemple, je pèse 150 livres. Je, là, c'est monsieur, madame. C'est pas vrai, c'est une moyenne. C'est fictif. Je pèse 150 livres, puis avec mon niveau d'activité physique actuel et mon alimentation actuelle, ça fait deux ans que je suis à ce poids-là. Puis, mettons, dans mon cerveau, moi, je me dis, je voudrais perdre 30 livres. En faisant une diète drastique comme ça, que, mettons, je perds 10 livres d'un coup, je me ramasse à 140 livres. Là, je dis, yes, ça va bien. Je recommence à manger comme je mangeais avant, avec le même rythme de vie que je perdais pas de poids, je prenais pas de poids. J'étais à ce poids-là. C'est sûr, le corps va aller accumuler les graisses pour arriver au même point qu'on était. La problématique là-dedans, c'est que, tout de suite après le régime drastique, on reprend le poids. C'est sûr qu'on reprend nos anciennes habitudes. Fait que ça, c'est pas réglé. On reprend le poids. Puis la problématique, c'est qu'avec tout le stress qu'on a causé au corps, on le fait là, encore l'histoire du le métabolisme de repos qui se dit « Moi, j'arrête de dépenser au repos. » La masse musculaire qui va être diminuée, tout ça, ça va faire en sorte qu'on va prendre encore plus de poids. Okay. Parce que juste le fait d'avoir une masse musculaire plus importante, ça nous fait déjà dépenser plus de calories au repos. Là, on a diminué notre masse musculaire en plus, mais là, on vient encore de donner toutes les raisons au monde à notre corps d'accumuler encore plus de graisse. D'où le régime qui est drastique qui apporte les résultats de diète yo-yo, là, qu'on dit. Là. Oui. Tu sais, je reprends du poids, je perds du poids. Drastique, je capote, là, je reprends mes anciennes habitudes, ça remonte, ça balance, puis yo-yo comme ça. Fait que la morale de cette histoire, les diètes drastiques, ça fait perdre du poids drastiquement sur le coup, mais on le prend encore plus par la suite. Ça, c'est rien de miraculeux, c'est physiologique, c'est ce qui se passe dans notre corps par la suite. Fait que morale de cette histoire, ce que vous allez apporter comme habitude alimentaire ou habitude à aller vous entraîner, tout ça, l'important, c'est de le garder dans votre quotidien puis d'être capable de le faire pour le reste de votre vie. Parce que la journée que vous arrêtez vos améliorations que vous faites, ben, c'est la journée que vous reprenez votre poids. Tout retombe, c'est ça. Ouais. C'est un mode de vie. Voilà. Fait que ça, c'était ma deuxième. Bon, t'es-tu prête pour une troisième? Attends, je voulais qu'on salue les sœurs problématiques, drastiques et statiques. Statistiques, c'est les sœurs stick. Ben, ah, ben oui, drastique, statistique, problématique, les sœurs stick, bonjour. Les domatiques. Domatiques. J'en ai une troisième. Les produits légers font maigrir. Les produits légers font maigrir. Les produits, mais bon, on va dire produits, mettons, mieux-être, tu sais, c'est souvent les menus bleus, des trucs comme oui, ça, c'est bon, oui, c'est tout léger. Ça, toute cette gamme-là. J'sais ça pas, fait maigrir. Je pense pas qu'ils te vendent ça pour te faire maigrir. Ils doivent te vendre ça pour, genre, une meilleure santé, peut-être un moins grand taux de sel, etc., etc. Moi, uh-huh. C'est la réponse que je dirais. Donc, en même temps, ben, s'il y a moins de gras, moins de sel, moins d'affaires, oui. Oui? Ouais, okay. Ben, ta réponse est bonne parce que c'est une réponse quand même de politicien. Là. T'as été autant dans le vrai que dans le faux. À vrai dire, ces produits-là, ben, comme tu dis, j'aime ça ce que tu dis. Oui, c'est pour améliorer des aspects au niveau de notre santé. Ouais. Mais oui, c'est vendu dans le but que nous, en tant que consommateurs, on ait envie de l'acheter pour se dire, bon, ben, avec ça, c'est léger, ça va soulager ma conscience. Fait que oui, le but des producteurs, c'est qu'on en agite plus ou qu'on se dirige vers ces produits-là. Ils veulent que tu achètes quasiment juste ça, en fait. Ben oui, parce qu'ils savent que notre société, on s'en va de plus en plus. On commence à le savoir qu'il faut manger santé. Ouais. On le sait. On se le fait dire beaucoup. Oui, on se le fait dire beaucoup. Mais on ne sait pas trop comment faire. C'est facile. Tu fais juste choisir des cannes bleues, je veux dire. Ben c'est ça. Il y a du bleu sur la canne, t'es collé. Et c'est là qu'on rentre, là. C'est faux. C'est faux de dire que les produits légers en tant que tels aident à ce qu'on perde du poids dans notre société en général, parce que ce qui arrive, c'est que on arrive à l'épicerie, on regarde, bon, menu bleu, tout ce qui est bleu, on se dit, ah, c'est bon, c'est écrit léger, ça canne, ça boit. Je peux en manger deux fois plus. Ça, c'est une des grosses problématiques. Là, premièrement, tu te dis, ma conscience est complètement soulagée. Ben je prends ça dans mon panier d'épicerie. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps de regarder en arrière dans la liste d'ingrédients ou dans la liste de tableaux de valeur nutritive, ou on prend le temps de regarder. Puis on n'a aucune idée, le produit original, c'est quoi? On compare pas c'est un ça. L'autre, tu sais. Des fois, il y en a là, qui ont la conscience, qui vont dire, OK, je vais regarder la liste d'ingrédients. Oh, OK, mais tant que tu compares pas avec le produit d'origine, tu ne sais pas. Des fois, ça peut être peut-être aussi, c'est peut-être une question de grandeur de canne. Des fois, ils vont juste en vendre moins, ça va être la même, tu sais, oui, comme ça, tu as l'impression que c'est moins. Ça, j'aime ça ce que tu dis, parce que ça, c'est comme un autre mode qu'il y a, la mode des tout ce qui est 100 calories. Tu sais, je vais prendre un Coca-Cola en minuscule canette. Voilà! Oh oui, c'est... Il n'y en a pas de problème. Oui, c'est bon. Oui, la problématique, c'est que, c'est intéressant parce que, exemple, les barres de chocolat à 100 calories par rapport à ceux qui ont 300 calories, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'ils ont coupé une plus petite portion. C'est ça. Fait que, oui, pour ceux qui ont maladie, c'est pas une maladie, mais tu sais, quand tu commences quelque chose, puis il faut que tu le finisses. Le là, syndrome de je dois finir mon emballage. Que je finisse mon sac de chips, ouais. ça peut être une solution gagnante pour ceux qui ont cette problématique-là. Parce que l'action d'ouvrir un deuxième sac va être plus grande, donc tu le feras pas. C'est tu ça. Oui, ça peut aider. La problématique, c'est que ces produits-là sont beaucoup plus dispendieux. Ben oui. Tu sais, si t'es capable toi-même de, exemple, casser ta palette de chocolat, puis la mettre dans des oui, c'est pour ça. Fait que de c'est sacrifier solution, ma barre. Ouais. Mais est-ce que c'est plus santé? Non, c'est la même chose. Ça, c'est l'histoire des 100 calories. T'sais. OK, oui. Fait que, mais c'est plus cher. Mais au niveau de tout ce qui est léger, c'est que une des difficultés, c'est qu'ils ont le droit, les producteurs, d'écrire léger sur leur emballage. Quand, par exemple, je veux dire, c'est léger au goût. Ça goûte léger. Oui. Si c'est écrit juste léger, si c'est pas écrit, mettons, léger en sel, léger en sucre ou léger en gras, si c'est écrit juste léger, cette appellation-là peut vouloir dire léger au comme goût. Comme le popcorn, on voit genre au goût léger de beurre. Oui, c'est ça. Mais le léger est écrit en gros. Voilà. En bleu, gros. Ça peut vouloir dire que c'est le goût, il est léger de beurre. Parce que c'est vrai. Mais là, nous, tu sais, c'est dur à déchiffrer. C'est comme. C'est ça. Mais si c'est écrit léger en gras, ce que ça veut dire, là, il faut que ça soit léger. Des en fois, gras. C'est écrit pauvre, hein, quelque chose. Oui, mais ça va être plus des appellations qui vont dire, mettons, à télé ou en publicité. Okay. Mais sur l'emballage, souvent, ça va être écrit léger parce qu'il y a quand même des normes qui existent. Oh, ouais. Mais là, je ne rentrerai pas dans les pourcentages, mais quand un produit va écrire, exemple, léger en gras, mettons qu'on prend Cheese Whiz. Okay. Puis là, c'est écrit sur le pot original, puis sur le pot léger, ça va être écrit léger en gras. Ça, c'est vraiment un exemple. Ce que ça veut dire, c'est que le léger en gras, il va avoir, par exemple, 25 % de moins de gras que leur produit original. Ce qui reste une grosse tonne de gras pareil. Tu sais, je prends une poque de gras, puis j'enlève 25 % de gras, il reste quand même 75 % de gras. Tu sais, tu déguises un cochon, il dit, vous j'enlève, il reste un cochon. La déguise en lapin, ça reste un cochon pareil. Tu déguises en lapin. Fait que oui, c'est vrai. Puis là, la problématique, c'est oui, OK, j'ai enlevé. Puis ça, ils n'ont enlevé une partie. Oui, t'as enlevé du gras, en effet. Ils ont enlevé du gras. La problématique, c'est que, mettons, dans le même pot de Cheese Whiz, tu sais, nous, on a un consommateur, là, ils ont enlevé 25 % de gras. Est-ce qu'on est pogné avec un pot à trois quarts rempli? Non, parce qu'on ne l'ajoutera pas, on va dire que c'est ça. Moi, ils en ont juste mis plus dedans, fait que ça revient. Il faut qu'ils rajoutent quelque chose. Okay. C'est sûr que ce n'est pas du gras parce qu'ils ont quand même, ils sont obligés de respecter là, le pourcentage de gras de moins. Bon, mais est-ce qu'ils vont rajouter du sucre? Okay. Du sel. Fait que, oui, on dit que quand quelque chose est enlevé, un produit enlève du gras, il faut qu'il remplace par autre chose. C'est pour ça que le goût change. Oui, le goût va changer. Fait que, des fois, ça peut être remplacé par de l'eau. Fait que tu dis, bon, OK, là, c'est problématique parce que je paye pour de l'eau, mais en même temps, j'ai moins de cochonneries dans mon produit. C'est un bien pour un mal en tant que tel. Mais souvent, ça va être remplacé par quelque chose de aussi pas bon. Parce qu'ils veulent respecter quand même le goût du consommateur. Oui. Si on n'aime pas le goût du produit, on ne l'achètera pas. C'est ça. Fait qu'ils vont remplacer par n'importe quoi d'autre pour aller arriver à la même quantité. Fait que là, la problématique, c'est de se dire est-ce que ça nous aide à perdre du poids, qu'il y en ait moins? Des fois, ils remplacent par de la cochonnerie. Des fois, ils remplacent par de l'eau. La problématique est toujours au niveau de notre conscience. On se dit, c'est plus santé, il y a moins de gras, il y a moins de sucre, donc je me permets d'en consommer plus. Oui. C'est là la problématique. C'est pas plus santé, là. Quand tu sais que quelque chose n'est pas bon pour la santé, mettons tu sais qu'une palette de chocolat, c'est pas nécessairement bon pour la santé, tu vas peut-être en manger une, deux fois par semaine plutôt que d'en consommer de façon quotidienne. Oui. Tandis que si sur ta palette de chocolat, c'est écrit super bon, antioxydant et chocolat noir, cacao, une par jour, éloigne les docteurs pour toujours. 100 calories, oui, puis là tout, ben, tu vas peut-être te dire, ah, ben gars, ça, c'est bon pour la santé, fait, je vais me permettre d'en manger plus souvent. Ou c'est moins pire, je vais en manger plus souvent. Fait que la problématique, c'est qu'à la fin, tu peux te ramasser avec plus de calories puis plus de cochonneries que tu consommes aussi. C'est ça. Fait que les produits légers, il faut faire attention à ça. Il y en a que c'est bien, il y en a que c'est, le produit est amélioré, mais il faut juste pas se dire, il faut pas que j'en consomme plus, ces produits. Faites vos devoirs et comparez. Ben bon. voilà. Puis tu sais, on n'a pas besoin d'avoir un bac en nutrition pour pouvoir comparer des produits. Des chiffres. Vous, oui. Il est plus bas que l'autre? Prenez, okay. Oui, puis il faut juste de votre temps puis vos lunettes si vous n'avez de besoin. C'est de regarder en arrière de la boîte puis de regarder dans les ingrédients, dans la liste de tableaux de valeur nutritive, comparer le produit original avec le produit léger. Ou comparer un produit avec l'autre produit. Vous regardez, gras, tu sais, lipides, c'est écrit le nombre de lipides, là. Ah, lui, il y en a plus, lui, il y en a moins. Fait qu'on peut le comparer. La seule grosse difficulté, puis des fois, c'est là qu'on. C'est difficile à calculer, c'est que d'un produit à l'autre, ce qui va être écrit, les quantités sont pas les mêmes. Ben, non. Des fois, tu veux comparer un sac de chips avec un autre, mais la quantité de la table de valeur nutritive, il y en a un qui est sur 125 grammes, puis l'autre qui est sur 50 millilitres. C'est ça, mais. Oui, mais justement, c'est un bon point. Ils mettent les quantités par rapport à une portion, bon, mettons, de deux morceaux, ouais. Ou peu importe. Ça pourrait pas être genre tout le temps sur, mettons, la même quantité, mettons, sur 100 grammes, puis après ça, ça dit un biscuit égal. Puis là, tu fais ton calcul de ce bord-là à place. Ça serait vraiment formidable s'il y aurait une loi qui nous aiderait justement en tant que consommateur à dire quand tu compares du pain, c'est toujours ça. C'est ça. Mais des fois, il y a du pain qui va être comparé sur une tranche, deux tranches, ou la tranche est plus pesante. Mais les épiceries nous aident en mettant, mettons, pour les prix des produits, il va y avoir le prix au gramme, ou tu sais, si tout est marqué, ça veut dire 0,20. Oui, ça t'aide, mais ça t'aide pas pour les valeurs nutritives. Ça. Oui, c'est ça. Okay. Puis même affaire, hein, les pains minces à vie. Oui. Tu regardes, pour deux tranches, il y a beaucoup moins de calories. Mais tu regardes la pesanteur du pain, là, ça pèse rien, c'est ce pain-là. Fait que tu prends quatre tranches. Oui, mais tu sais, t'as faim après. C'est puis c'est pas nécessairement plus nutritif aussi pour pouvoir t'aider à te souvenir là, plus longtemps. Ah, ça nous aide pas, ces affaires-là. Ah, voilà. Puis j'ai tout le temps pour un petit moment. T'as le temps, oui, vas-y. OK, j'ai le temps. Un dernier. Il faut éviter de manger le soir si on veut perdre du poids. OK. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait pas manger à l'intérieur d'une période de, je crois, il me semble que c'était 2 heures avant de se coucher. Mettons, tu te couches à 11 heures, t'arrêtes de manger à 9 heures, tu manges ta collation parce que t'as soupé à 7h30, mettons. Ta réponse est excellente. Ah, wow. C'est précisément ça. Un point. Un point, yes! À vie! Toute la saison. Oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est que côté santé, il faut éviter de manger le soir 2 heures avant d'aller se coucher au niveau de la digestion. C'est exactement ça. Pile dedans, pile. C'est que, tu sais, quand on prend, sensiblement un gros repas, on dit que ça prend 2 heures de digérer ce gros repas-là. Ce qui arrive, c'est que si on mange tout de suite avant d'aller se coucher, toute notre énergie là, qui va à nos cellules pour récupérer durant la nuit, là, pour refaire nos cellules, refaire là, notre énergie durant la nuit, au lieu d'aller toute pour nos fonctions vitales, il y a une partie de notre énergie qui va aller pour la digestion de ce qu'on vient de manger avant d'aller se coucher. Ce que ça va faire, c'est que ça peut nuire à la qualité de notre récupération, de notre sommeil en général. Puis là, il y en a qui vont dire, oh, mais moi, ça nuit pas. Là, je parle pas de quantité, je parle de qualité. Ça veut pas dire que tu vas te réveiller plus souvent dans la nuit. Ça veut dire que tes cellules vont peut-être moins bien se régénérer durant la nuit. Tu sais, c'est plus une histoire de enlever l'énergie qu'on prend pour digérer, pour donner le maximum d'énergie à notre corps pour récupérer. Mmh. Fait que de ce côté-là, c'est vrai. L'autre côté, la problématique, c'est que en gros, là, manger le soir, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça peut faire prendre du poids si on a déjà tout mangé ce qu'on avait à manger dans la journée, puis qu'en plus, le soir, on vient se rajouter un paquet d'affaires. Puis même si c'est des choses bonnes pour la santé, hein, si je prends une poignée de noix avec un morceau de fromage, avec un yogourt, avec des raisins secs, avec, tu sais, là, que tu grignotes toute la soirée, ça fait en sorte que tu peux prendre plus de calories, tu peux prendre du poids. Fait que ce qu'on peut faire, moi, un truc, parce que je fais partie des êtres humains qui ont besoin de manger le soir, parce que là, je fais une parenthèse, hein, y en a beaucoup qui se disent, bon, ben là, moi, j'essaie de faire attention à partir d'après le souper, je mange plus de la soirée. Donc, à partir de, 6 heures le soir, aller jusqu'à 10 heures le soir, je mange pas. rendu à 8 heures, je capote. Fait, ce que je fais, c'est que je couche les enfants puis je m'en vais me coucher plus de bonne heure parce que je trouve la vie trop pénible d'avoir faim. Tu penseras pas. Hey, c'est pas la vie, ça, mais c'est absolument horrible. C'est le seul moment de la journée où ce qu'on peut exister, relaxer, faire autre chose que de travailler, s'occuper des enfants, faire nos devoirs. Puis on va se coucher plus tôt. Tu sais, gars, encore une fois, au bout de 2 semaines, on va capoter. Oui. Là. Fait qu'à place, on peut se faire un plan de match. Dire, bon, ben dans la journée, je vais manger telle collation de moins, puis je vais me la garder le soir. Moi, par exemple, c'est à 8h30 le soir. Je sais que c'est comme les enfants, là. Ouais. Tu sais, les bébés, là, sont synchro. Tu essaies de faire une routine. Tu fais la même affaire avec un adulte. Ça marche super bien. Un petit compote, là, un petit pot de compote. Oui, tu sais qu'à 8h30, tu as ta petite collation. Puis, tu sais, quitte à. Puis, tu dis compote. Ce soir, tu as le goût de manger une toast au beurre de pinot, là. Mais que, tu sais, sur l'heure du midi, là, tu as mangé une tranche de pain au lieu de deux. C'est un peu le concept de manger plus de repas dans la journée, là. Tu sais, tu tombes à 5 repas ou 13 dans ta journée. Fait que tu n'as pas mangé plus de calories en tant que tel. Puis, tu as pu te nourrir le soir, là, quand tu as faim, puis que tu paniques, là. L'autre problématique qui arrive quand que on mange le soir, souvent, c'est qu'on va manger par ennui. Ça arrive le soir. Tu regardes la TV, tu n'as rien à faire, tu manges popcorn, tu fais. Fait que là, tu te cherches un peu, là. Fait que trouver quelque chose à faire avec vos mains. Ça fait déjà un truc. Des fois, juste combler, des fois, on se dit, oh, peut-être que j'ai soif au lieu d'avoir faim. Faites-vous du thé. Moi, ça compte. T'sais, j'ai quelque chose dans les mains, ça m'aide. J'avais pas nécessairement faim. J'avais peut-être plus soif ou mes mains s'ennuyaient. Ouais. Fait que j'ai trouvé quelque chose à faire avec mes mains. Fait que déjà, juste de combler, trouver quelque chose à faire avec vos mains, ça va déjà vous aider. Et aussi, comme tu dis, quand on mange devant la télé, on se rend pas compte. Tu sais, on écoute la télé. Hein? Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ouais. Tu peux te lancher 30 pinottes. Tu viens d'un coup, tu viens de manger, je sais pas combien de calories, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans. Fait que le fait de manger devant la télé ou en faisant une autre activité, on se rend pas compte de la quantité qu'on mange. Puis oui, ça peut augmenter la facture de calories. Fait que quand vous entendez parler d'études qui disent que manger le soir, ça fait engraisser, c'est vrai dans l'optique où ce que on augmente le nombre de calories de la journée en venant manger encore plus le soir parce qu'on s'ennuie, parce qu'on regarde pas ce qu'on fait, on mange devant la télé, c'est vrai. Mais si vous planifiez vos collations le soir sans vous goinfrer avant d'aller vous coucher, ben, il n'y aura pas de problème au niveau de la digestion en tant que telle, puis au niveau de la consommation de calories dans la journée, il n'y en aura pas de problème. Là, vous allez manger quand même ce que vous avez besoin dans la journée parce que vous allez avoir coupé un petit peu ailleurs dans la journée. Vous allez avoir pris des moins grosses portions à vos repas pour vous permettre une collation en soirée. Alors, vous allez être gagnant, vous n'allez pas avoir besoin d'aller vous coucher à 8 heures le soir non plus parce que vous êtes en train de graffiner les murs, vous avez faim. Ouais. Alors, sinon, il y a la technique intolérance au lactose. Hein? Comme, tu sais, moi. Quelle est cette technique? Tu manges un fromage, verre de lait, yogourt, tu te vides, tu vas te coucher, tu perds du poids. Ou t'en prends pas. C'est la technique que j'utilise. Fais ce que vous voulez avec ça. Bon appétit. Ça. Bon appétit, bon matin. Ne pas tester sur les humains. Ne pas, non. Donc, excellente chronique, comme toujours. Vraiment super intéressant. On a appris plein de choses, comme à chaque 2 semaines. Yes! Les mercredis à 8 heures pour la chronique Activez votre santé. Il t'en reste une en théorie, mais c'est comme tu veux. Hein, il reste 3 semaines, tu fais ce que tu fais avec ça. Dans 2 semaines, ça. Oui! Merci beaucoup. Hey, merci Mathieu. Cindy Gilbert. Bye! Bye. Au retour, tout à l'heure, c'est la chronique Zone Campus qui s'en vient. Avant ça, un petit nom que vous connaissez peut-être. Elle est de retour sur notre palmarès. Voici Pascal Picard et Paper Planes sur C'est fou. How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? How many times can I

avec une clause de non-échange pour son club en reconstruction. Je suis son joueur de concession. On a une équipe de champions. C'est ensemble qu'on est invincible. Que la route nous paraît moins longue, que soudain tout devient possible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le sais qu'elle ne demandera jamais de choisir entre elle pis ma guitare jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis un chanteur non engagé et je m'engage pour l'éternité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pépé sa guitare et je m'engage à l'assemblage requis. Alors, en passant, vous allez pouvoir entendre d'autres pièces, d'autres nouvelles entrées plus tard à l'émission. Et jeudi après-midi, dans les Palmarès C'est fou, il va les avoir toutes de l'un après l'autre. Ça va être tellement bon. Mais avant ça, là, maintenant, c'est le moment de parler du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. On parle du journal Zone Campus, volume 9, numéro 15, en kiosque du 8 au 21 avril 2014. Et évidemment, Stéphanie Paradis n'est pas là aujourd'hui pour nous faire le survol. Alors, c'est moi qui s'en occupe. Ça va être un petit peu plate, désolé. Non, c'est pas vrai. Donc, commençons par la couverture. Évidemment, c'est le nouveau conseil exécutif de la GEQTR qui est dévoilé. On en parle en ouvrant le journal grâce à un article d'Annie Bois-Joly-Bélanger. Donc, le 28 mars dernier, les nouveaux élus au poste du conseil exécutif ont été présentés à la chaise galerie. Les étudiants étaient invités au dévoilement des résultats du vote. Évidemment, Mathieu Roy, qui est toujours à la présidence, avec 82% des voix et un paquet d'autres gens, toutes les informations dans le Zone Campus en ce moment. Assemblée générale spéciale de la GEQTR, le remboursement de l'AEMS est rejeté. Donc, l'Assemblée générale spéciale de l'Association générale des étudiants du 1er avril a inclus dans l'ordre du jour la revendication de l'AEMS de se faire rembourser la totalité des charges de 10% appliquées à son approvisionnement de 4 mois à la chasse-galerie. Les membres ont voté et la demande a été refusée. Donc, il y a un comité qui va être mis là-dessus. Là. Donc, la requête de l'AMS de se faire rembourser la totalité ayant été battue à majorité, son porte-parole a demandé un autre vote pour la mise en place d'un comité. Proposition qui a été adoptée majoritairement par les membres de l'Assemblée. Ce sera un comité composé de représentants de la GE et de l'AMS avec des personnes neutres. Donc, le dossier est quand même assez complexe. Allez lire ça dans le Zone Campus. Coopération internationale. L'UQTR a grandi son réseau de partenariats internationaux au cours des derniers mois. Donc, l'UQTR a accueilli d'importants dirigeants de réseaux universitaires de partout dans le monde. Ces visites de hautes personnalités internationales sur le campus présagent la multiplication des réseaux de coopération à l'international. C'est bien, tant mieux. Toujours en actualité, on revient sur la tribune des candidats de Trois-Rivières pour les élections qui avaient lieu en début de semaine. Donc, c'est le 25 mars dernier et on en jase un petit peu dans cet article-là. Concours d'affiches scientifiques 2014, la vulgarisation d'une recherche plurielle et gratifiante. C'est la 21e édition du concours d'affiches scientifiques de l'UQTR qui s'est tenu les 26 et 27 mars dernier. 123 étudiants de cycles et de programmes différents ont exposé leurs affiches scientifiques présentant l'avancement d'un projet de recherche en cours ou le fruit de leurs travaux achevés. La sélection des affiches s'est faite en deux étapes et les 29 finalistes ont été exposés dans le hall Gilles Boulay dans la matinée du 27 mars. Sébastien F. Guertin signe une autre chronique, La Belle-Mère. Cette fois-ci, c'est Élections et Assemblée générale entre renouveau et injustice du passé. Donc, il dit dans ma toute première chronique, j'ai commencé une liste de 12 travaux qui étaient autant de défis se posant aux officiers de la GE. Ceux-ci étant bien loin d'être des Hercules, je me suis limité à 3 chantiers qui devaient orienter leurs décisions tout au long de la session. Donc voilà, il revient aussi sur le poisson d'avril qui était à l'Assemblée générale du 1er avril. Table régionale de l'éducation de la Mauricie, les travaux maintenant accessibles sur le web. Depuis le 21 mars dernier, il est possible d'accéder aux travaux réalisés par la table régionale de l'éducation de la Mauricie et ses comités via un portail web. C'est la rectrice du QTR, Nadia Ghazali, qui a effectué officiellement le lancement. Tribune libre, jeudi 27 mars dernier, la GEQTR présentait une tribune libre avec comme invité Paul S. Crampton, juge en chef de la Cour fédérale et ancien étudiant de philosophie du QTR. L'intervenant a abordé des sujets d'actualité en insistant sur l'implication du rôle de l'universitaire en tant que citoyen. On parle de ma thèse en 180 secondes qui avait lieu jeudi dernier. Notre collègue Justine Renaud était présente, a gagné la deuxième place dans la portion maîtrise, je crois, alors qu'Alexandra Carignan a reçu l'honneur de l'autre côté pour les gens. Il y a deux volets, puis je me rappelle plus c'est lesquels. Donc, le 3 avril dernier, la troisième édition de ma thèse en 180 secondes s'est tenue à la chasse-galerie de l'UQTR. Cette année, le concours de vulgarisation scientifique d'un projet de recherche a connu un record d'inscription et pour la première fois, des professeurs ont pu participer. Donc, comme je disais, Alexandra Carignan, Thomas Bibienne et Loïc Boulon ont reçu les grands honneurs de la soirée. Donc, les premières places, et on félicite tous ces gens-là, et bien sûr, Justine Renaud. Portrait-reportage de Myriam Lortie, qui a parlé avec Serge Boudreau, conseiller en communication. Le titre est « En tête à tête », c'est un jeu de mots avec le blog « En tête » de l'UQTR. Donc, je vais lire son introduction qui est toujours à la première personne. Je suis Myriam Lortie. On avait déjà communiqué par la page Facebook de l'UQTR qui compte 13 000 abonnés. Assis devant une fenêtre qui donne sur la grisaille d'un printemps tardif et une autre donnant sur les infinies possibilités qu'Internet a à offrir, Serge Boudreau, la main sur la souris, m'accueille en vrai après notre contact social virtuel. C'est dans un manteau d'hiver dégoulinant de pluie que j'accapare un coin du décor. Ah, que c'est beau. Donc, Myriam Lortie et Serge Boudreau. Voilà pour les actualités. On passe en société maintenant, comme on le fait toujours en deuxième partie. Donc, on commence avec Kevin Gaudreau. Entre les deux pôles, c'est le titre de sa chronique. C'est le même titre à chaque fois, mais le titre en tant que tel de celle-là, c'est « Les réseaux sociaux sont là pour y rester ». Depuis les dernières années, beaucoup de gens parlent de certains effets néfastes des réseaux sociaux et informatiques. Toutefois, malgré le fait que la plupart des personnes de la nouvelle génération utilisent ces systèmes de communication, très peu de gens affirment sur la place publique que les réseaux sociaux sont aussi aidants sous différents angles dans les relations humaines. Plusieurs utilisateurs et non-utilisateurs peuvent mentionner, par exemple, que l'utilisation des réseaux sociaux peut venir interférer négativement dans les relations conjugales, qu'elle diminue les contacts humains entre les individus et qu'elle baisse le niveau d'échange réel entre les personnes. C'est clair, c'est sûr et certain. Et l'article doit être absolument intéressant. Donc, allez le lire, celui de Kevin Gaudreau. Même chose pour Nicolas Gauthier. Toujours bon, c'est tout est bizarre. Et cette fois-ci, c'est les nombres qui sont absolument fantastiques, nous dit-il. Les nombres sont régis par une logique parfaite, un fait banal absolument inné, le fait de compter. L'histoire des mathématiques est, en ce sens, un domaine d'études merveilleux. D'ailleurs, les Romains n'avaient pas de zéro, et ni eux ni les Grecs n'avaient de négatif, nous dit-il. L'aplomb dans la tête avec la géniale Élie Brunet-Saint-Pierre. 37,8 degrés Celsius, encore une fois écrit à la première personne. 37,8 degrés Celsius. Je suis atteinte de cynisme maladif, vous êtes au courant. Pourtant, je n'avais pas encore été atteinte du cynisme politique. Eh bien, j'ai attrapé le virus au cours de la campagne électorale actuelle. Le cynisme politique de type A, le bénin sans grande conséquence sur la santé, il ne m'empêchera pas de voter. J'ai bien de voter, oui. Mais voyez-vous, bien que les débats des chefs font habituellement office de Super Bowl chez moi, j'ai esquivé le deuxième premier symptôme. Et là, il continue avec d'autres degrés de fièvre. C'est très drôle. C'est le titre, évidemment, la fièvre. Ensuite, Jean-François Veilleux et son segment, je me souviens, au pouvoir citoyen, segment de journal, on n'est pas à radio avec ça, mais bon. Poste 7 avril, entre rêve et cauchemar. Jour 25 de la campagne électorale québécoise, au moment de lire ceci, vous saurez déjà qui aura le privilège de diriger le Québec et ses 8 millions d'habitants. En attendant le verdict final, laissez-moi revenir sur la notion de démocratie et ma compréhension du Québec de demain. Donc, entre autres, les bonnes promesses, parlons démocratie et en conclusion, sont ces segments de ce cet article. Toujours en chronique dans la section société, Normand Leclerc et sa chronique « Changer la vie ». Le titre est « Le bonheur sexuel ». Aucun sujet ne suscite plus d'intérêt que le sexe. Il fascine. Pourquoi le sexe est-il si fascinant? N'est-ce pas de toutes les réalités, c'est celle qui peut nous apporter le plaisir le plus intense, par conséquent le plus de bonnes heures. Donc, bonheur, c'est un jeu de mots avec bonheur. Et pour terminer, ou presque en fait terminer les chroniques du moins, dans PRNDS, Jean-Samuel Guay nous dit « Québec fleuré dans Mini Cooper », c'est la suite en fait. « Au diable l'avion et au diable l'hiver, je décide d'aller passer la semaine de relâche en Floride et je m'y rends en voiture. Un total de 5400 km aller-retour. Nous partons à 18h30 le jeudi dans une tempête de neige. Nous roulons toute la nuit et regardons les degrés monter tranquillement. » Ah ben, c'est une aventure en Floride, donc il passe entre autres dans un petit restaurant puis des affaires comme ça, c'est bien drôle. Toujours en société, les loisirs maintenant, le petit Zouéki illustré qui nous parle d'une pointe de déception, les enjeux de la campagne 2014 en images, c'est évidemment une illustration. Je vous vole pas les punchs, donc allez voir ça. Les jeux sont toujours là. On va passer en arts et spectacle et en sport dans quelques minutes, mais avant ça, j'ai envie d'écouter une petite chanson. Et on est parti sur vraiment une belle envolée avec les nouvelles entrées du palmarès francophone. On a reçu une nouvelle de Monogrenade sur l'album Composite. Voici Tes yeux sur C'est fou 89.1 FM. Yeah. C'est un retour pour la pièce Tes yeux de Monogrenade. Elle était sur les palmarès au début du mois de janvier. Là, elle refait surface en tant que nouvelle entrée en ce moment même. Tes yeux de Monogrenade. C'était la chronique Zone Campus qu'on faisait tantôt. Et on va continuer avec les arts et spectacles maintenant. Louis-Philippe Gingras était au Zénob Trois-Rivières accueilli pour la première fois l'artiste Abitibien et sa guitare. Louis-Philippe Gingras, c'est pas le nom de sa guitare, c'est le nom du gars. Au café Bar Zénob le samedi 5 avril dernier, l'artiste présentait son spectacle Traverser le parc tiré de son dernier album lancé à l'automne. Spectacle de Carl-Éric Hudon, aussi le souffle du rock francophone. L'auteur-compositeur-interprète Carl-Éric Hudon, était de passage au Café-Bar Le Zénob le 27 mars dernier. L'artiste a présenté en primeur quelques chansons de son prochain album intitulé Nous étions jeunes, qui sortira à la fin du mois d'avril. Le rappeur slammer trifluvien Naïd a réuni plusieurs artistes dans un intime spectacle multidisciplinaire Rencontre à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture le 27 mars dernier. Le Rap Slam de Naïd. En improvisation, on revient sur les matchs qui avaient lieu avant la sortie du journal. Donc, le 24 mars dernier, la Luit représentait un spectacle bien spécial où l'improvisation se mélangeait avec le monde du manga japonais Pokémon. C'était vraiment super. J'étais là et on a parlé à profusion avec Alexandra, donc on n'y reviendra pas trop. Le 28 mars dernier, un événement d'improvisation historique au vieux presbytère de Batiscan, où une troupe s'est inspirée des lieux pour créer. Table ronde de discussion sur l'avenir du livre au Québec maintenant. Au terme de la table ronde organisée par Patricia Powers le 26 mars dernier, l'auditoire de la cafétéria du pavillon Albert-Tessier du QTR est ressorti avec plusieurs questions de réflexion quant à l'avenir du livre, mais les personnalités réunies se disaient toutes optimistes. On dit pas de panique. On revient sur les mardis de la relève au Gambrinus, bien sûr. Il y avait une soirée le 1er avril dernier. Une autre chose dont Alexandra Carillon nous a parlé hier, c'est l'art rebelle de Philippe Lafontaine. Jusqu'au 30 avril prochain, la galerie ATD Boutique Atelier présente l'exposition Vandalisée pour jouer de l'artiste trifluvien Philippe Lafontaine. C'est vraiment super beau ce qu'il fait. Exposition au Centre culturel Pauline Julien. On a aussi parlé de ça avec Alexandra hier. C'est l'exposition Un rôle à jouer, un costume à porter de l'artiste mauricienne Sonia Payette. Hier, j'ai oublié de faire mon jeu de mots sur Sonia Payette. C'est comme ça que j'appelle ma PlayStation 3, parce que je l'ai bling-blingé. C'est une Sony à paillettes. Un spectacle de bradycardie de la rythmique en musique, en mosaïque, pardon. La caravane des gitans festifs du groupe Bradycardie débarquait au Centre culturel Pauline Julien le 29 mars dernier, apportant avec elle des notes ensoleillées aux accents de musique du monde et de reggae. Et finalement, un autre sujet qu'on a abordé avec Alexandra hier, Raphaël et Bénédicte, Broyer du Noir. En fait, on en a parlé avec Alexandrine Pichessir tantôt aussi. Jusqu'au 17 avril 2014, la galerie d'art R3 de l'Université du Québec à Trois-Rivières accueille l'exposition Broyer du Noir du trifluvien Raphaël Bénédicte. L'artiste propose un essai sur la condition humaine et le mal de vivre. On passe en sport et on commence par le cheerleading et les Patriotes en pleine progression. Le 29 mars dernier s'est tenu le championnat provincial de cheerleading universitaire accueilli par la RSEQ, Capitale Nationale à Québec. Même si l'objectif d'un podium ne s'est pas réalisé, les Patriotes ont continué leur belle progression sur le circuit, soufflant dans le cou des équipes du haut du classement. Ah, wow! Je pensais pas qu'on pouvait encore dire de façon originale les classements des équipes de sport, parce que c'est la même affaire, mais si, soufflant dans le cou des équipes du haut, là, je trouve ça vraiment cute. L'équipe d'entraîneurs dresse un bilan très positif de la saison 2013-2014. On a réussi à faire peur à d'autres équipes telles que l'Université de Sherbrooke, dont les membres sont venus nous féliciter pour notre progrès remarquable, dit l'entraîneur de l'équipe de cheerleading. On a parlé avec Cindy Gilbert tantôt, mais c'est quand même la chronique est dans le journal. Il y a d'autres détails, c'est apporté de façon un petit peu différente. Donc, alimentation, mythe et réalité, allez voir à la page 20, en section sport. Hockey-ball, tournoi au profit des Patriotes. Le Caps de l'UQTR a accueilli le 5 avril dernier un tournoi de hockey-ball au profit de l'équipe de hockey masculin des Patriotes. Malgré un préavis de seulement 20 jours, les inscriptions sont venues en grand nombre pour cette première édition. Le tournoi a donné droit à du jeu très relevé et beaucoup d'intensité. La formule 3x3 dans deux catégories différentes offrait la chance à tout le monde de participer à l'événement. Honneur individuel des Patriotes récompensés. Au courant des derniers jours, plusieurs membres des différentes équipes des Patriotes ont été récompensés par le RSEQ, dont on a parlé tantôt, le réseau du sport étudiant du Québec. Donc, on félicite entre autres Maxime Cédillo et Audrey Deschênes. C'est entre eux qui sont sur la photo. En volleyball, lourde perte pour les Patriotes. Quatre athlètes de la formation partante du club de volleyball des Patriotes ont mis fin à leur carrière universitaire cette saison. Une belle façon de passer à une autre étape que de mettre la main sur un titre du championnat provincial pour Myriane Courteau, Marie-Christine Gravel, Anne-Marie Cloutier et Amélie Chaplot. On les félicite ou on leur lève notre chapeau. Voilà. Ligne, je suis seul, hein, fait que je dis des blagues puis je ris de ça. Ligne de vêtements des Patriotes, nouvelle collection à venir. Les Patriotes ont sondé les étudiants ainsi que le personnel de l'UQTR afin d'orienter leur choix pour la nouvelle collection de vêtements. Celle-ci sera disponible dès septembre. On voit d'ailleurs l'équipe avec les chandails et les chandos de 2013-2014 en photo dans le journal. Voilà. Allez voir ça. Et on a deux profils d'athlètes, celui de Sarah Tanguay-Milot, faisant carrière avec l'équipe de cheerleading depuis 6 ans, de cheerleading. La vétérane Sarah Tanguay-Milot en était à sa dernière année avec la formation des Patriotes. Et finalement, Vincent Gauthier de Nommé, Après avoir pris une pause de badminton de 2 ans en raison d'une vilaine blessure à la jambe lors de ses études collégiales, Vincent Gauthier de Nommé est revenu en force dans les rangs universitaires. L'étudiant athlète originaire de Joliette a affiché une des meilleures fiches individuelles parmi les Patriotes cette saison. On félicite ces deux personnes-là. Et on retrouve tous ces articles dans le journal Zone Campus. Il y en a d'autres. J'ai parlé seulement des plus majeurs. Donc, le volume 9, numéro 15, en kiosque du 8 au 21 avril 2014. Et aussi sur le blog zonecampus.ca, vous pouvez partager, commenter, liker ça comme ça vous tente. Donc, zonecampus.ca, zonecampus.ca, je l'ai assez dit. Vous êtes au courant. Voilà pour le Zone Campus et on va retrouver Stéphanie Paradis pour la prochaine chronique. Hein? Parce que c'est pas moi qui fais ça d'habitude, ça paraît. on prend une pause au retour. C'est la chronique, c'est expliqué, ça devrait répondre là. On va s'acheter des gadgets, on va discuter. Vous allez me dire, vous allez m'appeler pour me dire, celle-là, je le veux. Là, je ne le veux pas. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis. Et en tant qu'on joue aujourd'hui, on va être de retour demain à l'émission, entre autres pour la bouffe de la semaine. Ça va être vraiment le fun. Mais avant ça, là, ça va être 5 pièces, ça devrait pas là. Donc, je vous demande de préparer votre pièce d'identité, carte de crédit, le petit numéro en arrière, etc. Parce que vous allez avoir plein d'achats à commettre. Mais avant ça, une autre nouvelle entrée. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup de nouvelles entrées cette semaine dans les palmarès. C'est fou. On écoute la nouvelle dont on a créé un monstre. Je pense qu'ils sont bien fatigués, ces gars-là, parce que je vois, tu sais, le corps est lourd, comme titre, mettons. Je vois quand je m'endors debout. Hein, tu sais. Je vois. Et là, ben, la pièce qu'on écoute, c'est La Fatigue. Fait que je pense que. Vous êtes fatigué comme tout ça. Bien. Normal. Il est tôt le matin encore. a créé un monstre. La pièce La Fatigue, nouvelle entrée du côté francophone dans les palmarès, c'est fou. La fatigue, bon, on se tanne jamais. On se fatigue pas de dépenser de l'argent. Hein, voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles. Et commençons avec ce dont j'aurais besoin là en ce moment, un café. Hein. Mais tu sais, quand on a un café dans la voiture, c'est bien beau. Tu sais, t'as des porte-verres, tout va très bien, il n'y a aucun problème. Mais quand t'es en vélo, par contre, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de porte-verre. Il te faut le Bookman Bike Cup Holder. Hein? Donc, la plus récente création de Bookman facilite notre addiction, si on veut, à la caféine. Donc, c'est un truc qui va après le volant. Deux espèces de d'anneaux qui s'accrochent fermement à votre poignée de vélo. Pour tenir votre verre. Et tu peux tourner ça de bord pour mettre un verre plus petit ou un verre plus grand pour que ça tienne bien. Des aines colorées qui incluent aucune vis et aucune goutte de colle. Ça fait juste se poigner après vos poignets. C'est un jeu de mots que je voulais faire. Donc, à moins que vous descendiez une grosse coke, là, vous ne devriez pas renverser de café. C'est fait pour tenir. Ça coûte environ 40$ sur le site de Bookman. Il y a 5 choix de couleurs. Donc, bookman.se. Le lien sur assemblagerequis.com, bien sûr, comme tout le reste. Maintenant, quand vous faites livrer des paquets à la maison, c'est tous, je pense qu'on a tous une autre addiction, le café et les paquets. Hein, c'est comme ça, les petits paquets. Donc, quand vous faites livrer un paquet par Pure Letter, peu importe, souvent, ils vont juste lancer la boîte à votre porte. Et puis, les voisins peuvent passer devant et voler vos affaires. C'est assez facile à voler un paquet. L'Elephant Trunk par Architectural Mailboxes est une chute. Littéralement, comme une grosse boîte à lettres qu'on retrouve un petit peu partout, les boîtes rouges, ça ressemble vraiment à ça. Ça ramasse plusieurs paquets, donc vraiment, si vous faites livrer à tous les jours quelque chose, il va y avoir la place pour plusieurs paquets à l'intérieur. Ça va le protéger, évidemment, de la météo, parce qu'il n'y a pas juste les voleurs dans la vie, il y a la météo, et ça peut être n'importe quoi d'autre, les jeunes qui passent et qui vont jeter des œufs dessus, je sais-tu. Donc, le livreur va simplement insérer le paquet dans un baril rotatif, et ensuite, tu fermes la porte. Et ça va sécuritairement tomber tranquillement dans le réceptacle en dessous. C'est construit d'aluminium, donc vraiment heavy duty, comme on dit, et d'acier. Donc tout ça est sécuritaire. Et en plus, ça se visse au pavé, à l'asphalte, au béton, peu importe ce que vous avez comme entrée. Ça se visse après ça. C'est résistant à... Genre, tu peux pas essayer de l'ouvrir par toi-même. C'est fait pour pas fonctionner. Donc, c'est il y a un 3-point locking system. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très sécuritaire. Il y a aussi une partition externe pour pouvoir envoyer un paquet. Donc, tu peux vraiment te dire, bon, je vais envoyer un paquet à quelqu'un et le laisser dans cette boîte aux lettres-là pour le service postal. Il y a un indicateur, pas de livraison, un petit levier que tu lèves. T'as un truc pour dire, bon, je suis en vacances. Bref, c'est ce que ça veut dire. Et 4 couleurs décoratives, voilà. C'est ce que je voulais dire. 4 couleurs décoratives pour cette boîte aux lettres. Le lien sur assemblagerequis.com. Un autre truc en plusieurs couleurs, pour ceux qui aiment les Legos et qui aiment les divans ou les poufs, c'est les Jelly Bricks. C'est des bancs, sièges et autres trucs comme ça, en couleur et en forme de blocs Lego. Donc, ça vient avec 1 point, 2 points ou encore 3 points. Les petits pitons là, qu'on appelle sur les Legos. Là. Donc, il y a 3 versions de ça. Et rouge, vert, bleu, un paquet de choix de couleurs. Donc, allez vous procurer des Jelly Bricks. Ensuite, vous vous rappelez peut-être de l'émission de télé MacGyver. MacGyver, c'était un gars qui réussissait à trouver des solutions à des crimes avec des articles de tous les jours, que ce soit, je sais pas, un élastique, une punaise, etc., de la gomme ballon. Eh bien, vous pouvez acheter votre propre MacGyver Toolkit. Évidemment, ça s'appelle plutôt le Action Hero Toolkit, pour raison de marque de commerce, même si on reconnaît très bien le visage en genre de petit dessin avec les cheveux et les lunettes de soleil. Ça ressemble étrangement à MacGyver, notre ami. Donc, pour 10$, vous recevez la bobby pin. Donc, ça, c'est la petite truc pour les cheveux, là, pour ouvrir des serrures, etc., etc. La Strike Anywhere Match. Donc, ça, c'est une allumette qu'on peut allumer n'importe où sans avoir à avoir l'autre côté, genre papier sablé. Rubber Band, donc un élastique. Bubble Gum, une gum balloon. Birthday Candle, une chandelle d'anniversaire. Apparemment, qui a déjà utilisé ça. Un trombone. Un lancet de souliers. Pour faire, par exemple, des menottes, peut-être. Un timbre de 1 cent, voilà, pour peut-être couvrir une webcam ou quelque chose comme ça, ou envoyer une carte postale dans les années 1800. Et finalement, du ruban adhésif, du duct tape. Donc, super solide. Tout ça dans le Action Hero Toolkit pour ceux qui se prennent pour un MacGyver. Quand l'été s'en vient, évidemment, les insectes vont sortir. En fait, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé de celui-là, mais bon, c'est pas grave, je me répète, on s'en fout. Pouseplat Fly Swatters. Donc, c'est des tapettes à mouches en onomatopée. Donc, un peu comme des bulles de bande dessinée à la Batman. C'est vraiment super coloré. Il y a un gros splat avec du de la genre de glue vert sur le côté, ou t'as le pow avec une genre de nappe rouge et blanche comme arrière-plan. C'est super joli. Façon comique de tuer des insectes et vous pouvez vous-même faire vos propres effets sonores. On parle maintenant de vinyle. Les vinyles sont très à la mode, vous le savez, tout le monde en achète. C'est bien connu, bien populaire. Par contre, des fois, on manque de place pour montrer ces vinyles. Si on veut montrer, moi j'ai de la culture, j'ai de la classe, j'aime la musique, je suis mélomane, j'ai des vinyles sur mon mur. Donc pour 120$, vous pouvez acheter de deux sortes de couleurs, des cadres, exactement de la grosseur d'un vinyle. Donc vous pouvez glisser soit un vinyle avec le vinyle dedans, genre tu sais, le carton du vinyle, ou le vinyle avec. T'sais, vous pouvez faire le mélange si vous voulez garder votre vinyle dans votre lecteur, dans votre tourne-disque et juste afficher le carton ou sinon afficher le carton avec le disque dedans. Mais pour 120$, on s'entend que c'est assez cher de faire quelque chose avec ça. Mais bon, peut-être si vous en achetez un ou deux, ça pourrait être abordable pour les fans. Vous avez soif peut-être en ce moment, vous voulez de l'eau. Allez vous chercher une bouteille d'eau réutilisable parce qu'une bouteille au dépotoir, c'est une de trop. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup trop en ce moment, on dit souvent. Ici, on parle de genre de bulle d'eau. C'est été créé par trois étudiants en design industriel basés à Londres, Rodrigo Garcia Gonzalez, Pierre Palier et Guillaume Couche. Ça s'appelle le UO et c'est une membrane fabriquée d'algues brunes et de chlorure de calcium ou calcium chloride, quelque chose comme ça. Donc c'est une substance qui ressemble à un gel et c'est capable de retenir de l'eau dans sa bulle et ça élimine le besoin d'avoir des bouteilles non biodégradables, comme on a dit. Et en plus, c'est mangeable. Dans une petite bulle d'algues, à l'intérieur, il y a de l'eau et tu peux manger et boire en même temps cette capsule d'eau, si on veut. Donc, la double membrane protège l'intérieur de façon hygiénique et c'est possible de mettre une étiquette entre les deux couches, donc entre l'eau et la petite membrane d'algues, sans aucun adhésif. Donc, on pourrait vraiment montrer un logo pour l'eau dans la bulle. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça, ça élimine la pollution, ça élimine tout ce qui est associé avec la production des bouteilles d'eau. Par contre, le UO a un petit problème, c'est présentement de la garder propre à l'extérieur. Parce qu'on disait tantôt que c'était hygiénique à l'intérieur, mais évidemment, la pellicule d'algue à l'extérieur, elle, pourrait être salie. Évidemment, si on commence à mettre la bulle dans un autre contenant, là, on crée encore des déchets, on annule le besoin d'avoir la bulle. Donc, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus pour pouvoir désinfecter ou en tout cas au moins pouvoir s'en servir sans... je sais pas si on peut la nettoyer avec de l'eau, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, donc c'est le UO, O-O-H-O. Allez voir des photos sur assemblagerequipe.com. Il y a une petite vidéo à lire et aller regarder. Écoute-toi donc parler choses. Maintenant, tiens, quand vous devez lever la main à l'école, t'sais, vous voulez lever la main, vous voulez faire un genre de gros bye-bye à quelqu'un, vous voulez donner une poignée de main à quelqu'un, appeler un taxi, je sais pas, et votre main est pas assez grosse. Ça arrive, on s'est tous dit « ma main est pas assez grosse ». T'sais, vous savez ce que ça veut dire? Donc, il vous faut les man hands. C'est de gros gants en forme de mains ultra réalistes, des mains d'hommes. Ça va vous donner donc un avantage quand vous allez peut-être gifler quelqu'un dans un duel de gifles. Donner des high fives. Donc, allez voir les man hands. C'est juste bien drôle. C'est vrai que c'est réaliste. Hein? On dirait que je suis une grosse main. Ensuite, pour les personnes âgées, les personnes qui sont maladroites, sinon, tu sais, je veux pas juste viser les personnes âgées, il faut rejoindre le plus de monde dans cette chronique-là de gadgets. Donc, c'est une paire de souliers qui vous empêche de tomber. C'est des bichous. Les bichous, comme un petit bichou. Donc, c'est un design unique de souliers avec un système de prévention des chutes intégré. Donc, ça va vous laisser vous permettre en fait d'être tout le temps bien droit. Les bichous sont, comme on a dit, fabriqués pour les personnes âgées qui ont tendance à renverser les choses à cause de leur âge avancé. Ils ont des réflexes plus lents. Donc, quand ils vont, mettons, manquer d'équilibre, ils vont tomber par en arrière. Ça pourrait causer une commotion cérébrale. On veut empêcher ça. Donc, on empêche la chute avec ce système-là qui va détecter l'équilibre. Et quand vous êtes tombé par en arrière, va vous empêcher avec un petit moteur à l'intérieur. Donc, tu as des talons motorisés qui vont fonctionner seulement, dans le fond, quand vous penchez par en arrière. Ça va ramener l'équilibre. Ah, n'est-ce pas? Fantastique. Donc, les bichous, vous pouvez les retrouver sur b-chou, donc souliers.com, bien sûr. Maintenant, la solution pour ceux qui... tiens, on parle de personnes âgées depuis tantôt, des personnes qui ne sont pas capables de voir l'écran de leur iPhone. Malgré la technologie Retina et tout ça, la qualité de la définition des iPhones, il y en a qui ne peuvent pas voir parce que l'écran est encore trop petit. Il y a des gens qui vont acheter un Samsung de 6 pouces de diagonale, je sais pas trop quoi, 5 pouces de diagonale. Le iPhone 5 n'est pas assez gros pour eux. Donc, c'est la loupe Magnifier par Tenco. C'est iPhone 5 Compliant Magnifier. Ça s'appelle... c'est le Raku Magnifier. Voilà. Donc, ça se glisse sur votre iPhone 5 pour louper, vraiment, pour rajouter une loupe devant votre écran. Ça spécifie iPhone 5, mais il y a des petites vis d'ajustement pour fonctionner avec n'importe quel téléphone entre 8 et 10 mm. Les pattes peuvent être bougées pour ajuster le focus pour vos yeux. Vous pouvez le plier pour mettre ça dans votre poche avec votre téléphone sans que ça prenne trop de place. Donc, ça coûte 15,80$ chez Tenco. C'est vraiment comme un petit... il y a une vis, donc ça se pogne après le bas de votre téléphone. Il y a un petit genre de bras de plastique. Et au bout de ça, tu as une plaquette en loupe. Donc, tu peux voir ton iPhone de plus loin. Ou de plus près, mais toi, tu es plus loin. Ensuite, on reste dans le même domaine. Ceux qui trouvent qu'une fleur, c'est pas assez gros, c'est une rose et vous voulez pas dépenser pour une douzaine de fleurs, vous pouvez à la place utiliser le Big Bloom Vase, une création de Charlie Gouda. Son travail a déjà été montré au Museum of Modern Art. Quand même, donc c'est pas rien. Ça faisait partie de Design and the Elastic Mind. Donc le Big Bloom Vase a une lentille Fresnel qu'on appelle, donc placée devant le tube où on place la fleur. Et tout ça est connecté à, encore une fois, un petit bras. Et ça permet de louper, encore une fois, l'apparence de la fleur placée dans le tube tout en augmentant le niveau d'amour que c'est supposé représenter. Là, il faut évidemment qu'il y ait une petite raison derrière l'art tout le temps. On peut l'acheter pour 40$, donc c'est vraiment pour le fleur avec une loupe en avant. C'est bien fun. Tiens, pour ceux qui aiment prendre des selfies, des photos de soi-même, hein, on connaît tous les selfies. Donc, c'est le HiC Wireless Smartphone Selfie Remote pour le iPhone et autres appareils iOS. Donc, HiC, c'est H-I-S-Y. C'est un petit genre de 25 cents, c'est à la grosseur d'un 25 cents, c'est un cliqueur. Ça communique avec votre iPhone via Bluetooth, ça requiert aucune application externe. Vous le pairez, donc avec l'iPhone, le Bluetooth, vous les mettez en paire, vous lancez l'application caméra, vous mettez le téléphone à un endroit pratique pour prendre votre propre pose de selfie préférée et vous appuyez sur le bouton sans fil, hein, et quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez connecter le cliqueur IC à la prise d'écouteur de votre iPhone. Donc, vous l'avez en tout temps, en permanence, dans la prise d'écouteur. Et quand vous en avez besoin, on sort, on clique et c'est fait. Donc, le HiC Wireless Smartphone Selfie Remote peut aller jusqu'à 90 pieds de distance. Donc, vraiment, pour prendre des selfies ou des photos de très, très loin, ça pourrait être très pratique. Il n'y a pas juste les selfies dans la vie qui vont servir avec ça. C'est sur Tiger Direct pour 25$. Ensuite, on parle de tapis de yoga et des sacs qui ressemblent à d'autres choses. C'est des Broga Mats, des tapis de yoga et des sacs qui ressemblent à d'autres choses. Ça coûte 40$ chaque. Les tapis, eux, sont 70$. Donc, les sacs, 40$ et les tapis, 70$. Par exemple, vous pourriez avoir un sac qui ressemble à une bûche de bois. Hein? Ou encore un tapis de yoga qui ressemble à un burrito. Oui, un burrito. Sinon, ça pourrait ressembler à des trucs de fléchettes pour faire du tir à l'arc. T'as aussi un truc de genre de bûcheron avec du quadrillé comme les chemises qu'on avait dans le temps. Il y en a qui portent encore d'ailleurs. Donc voilà, des Broga Mats, c'est le nom, et 40 ou 70$. Vous connaissez peut-être la mode en ce moment. En fait, c'est quelque chose de très, très spécifique. Il y a seulement les riches qui peuvent se permettre ça, mais peut-être que vous avez entendu parler des lumières, des ampoules LED qui sont contrôlées par téléphone intelligent. C'est super à la mode, il y a vraiment un gros système de ça. Mais ici, on parle des Air Bulbs, qui ajoutent quelque chose de plus encore à seulement juste contrôler la luminosité et la couleur de vos ampoules, parce que c'est ce que ça permet, la couleur des ampoules, de changer par votre téléphone cellulaire. Mais ici, c'est que ça joue de la musique. Ça stream votre musique à partir de votre téléphone intelligent connecté, donc avec un haut-parleur intégré. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir de la musique partout dans votre maison si vous achetez assez de ces ampoules-là, sans avoir à passer de fil nulle part. Bien sûr, vous avez seulement 3 watts de output, mais ça devrait être assez suffisant pour mettre de la petite musique d'arrière-plan, si on veut, de la musique de fond. Donc, les couleurs, évidemment, faut quand même suivre la mode, sont changeables via l'application. On peut le mettre aussi au clignotement. Donc, si, mettons, vous recevez un appel sur votre téléphone cellulaire, un avertissement, une notification Facebook, la lumière peut flasher, peut clignoter, tout en jouant votre musique, donc c'est vraiment super bien fait. À 90$, on vous demande présentement de miser, de mettre de l'argent sur Kickstarter. On s'attend à ce que ce soit envoyé dans le mois de mai environ. Et c'est sur, c'est ça, Kickstarter, c'est les lumières Airbulb, A-I-R-B-U-L-B. Vous pensez peut-être à déménager dans les prochains mois, le 1er juillet s'en vient, et vous allez peut-être devoir déménager la nuit parce que vous n'avez pas payé votre dernier mois de loyer. Je sais pas, j'essaie de trouver une raison pour utiliser ce duct tape qui brille dans le noir. de la marque Duck Brand. Donc, ceux qu'on appelle Duck Tape, D-U-C-K, là, parce que eux, c'est vraiment le nom qu'ils ont choisi, D-U-C-K, Duck Brand, Duck Tape. Duck Tape, oui, d'habitude, du Duck Tape, c'est D-U-C-T. Bref, c'est pas votre Duck Tape habituel ou de la moyenne, tout à fait normal. Non, parce qu'il brille dans le noir, donc vous allez pouvoir repérer vos réparations. Peut-être que vous avez fait peut-être sur un tuyau, je sais pas trop quoi. Je sais pas si ça se règle avec du Duck Tape, j'en ai aucune idée. On peut utiliser ça pour des costumes aussi, pour faire du vélo, peut-être la nuit, à place de vous acheter des gadgets qui vont prendre après votre bras, juste à passer du Duck Tape dessus. Hein? Donc, vous avez juste à exposer votre ruban qui est blanc à la lumière du jour pour le charger. Et ensuite, vous baissez les lumières et vous êtes étonné par la luminosité de ce gadget. Je sais pas si on peut dire gadget quand c'est du tape, il n'y a pas de puce là-dedans. Même chose ici, c'est pas vraiment un gadget, c'est une cravate en fait. Si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, une cravate, c'est toujours classique. Là. On offre ça pour la fête des pères sans cesse et qui s'en vient. J'imagine la fête des pères, ça va être à un moment donné, ça, dans la fin du printemps. Donc la Dick Tie, à la place d'acheter une cravate avec des canards, Duck Tie, et ça va être une Dick Tie. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on pense. Si ce qu'on pense est une cravate en forme d'engin masculin et non pas une cravate pour votre engin masculin. Donc, la Dick Tie est présentement en train de ramasser de l'argent, encore une fois, sur Kickstarter. On peut donner à la cause en contribuant 30$ pour avoir cette cravate en forme de pénis. 100% soie, d'accord? C'est rose, c'est noir ou encore ça a un pattern, donc des petites... En fait, c'est en forme d'engin masculin mais avec des fleurs dessus. Ça fait un petit peu bizarre. Mais donc, quand même, pas de racisme ici. Noir ou couleur rosée un petit peu plus. Ensuite, pour ceux qui ont peur de se faire voler, des fois, on se fait attaquer dans la rue, peut-être dans les grandes villes. Je sais pas, pour Trois-Rivières, ça peut arriver aussi. Donc, c'est une pièce de monnaie de Five Star Gear qui ressemble à une pièce aux États-Unis, une pièce de 50 cents. On s'entend que c'est pas super répandu, là, mais quand même, ça existe. Donc, c'est une pièce qui ressemble à la pièce de 50 cents, sauf qu'elle a été modifiée pour être séparée en deux morceaux. Et quand on sépare les deux morceaux, ça révèle une lame japonaise coupante comme un rasoir. Hein? Donc, c'est fait pour avoir l'air normal dans votre poche de monnaie. Vous pouvez utiliser la lame pour peut-être couper une corde si vous faites kidnapper, peut-être du duct tape luminant et illuminé dans le noir. C'est sur Spy Gadgets pour 39$. Quand vous avez des enfants, peut-être qui veulent se faire, pas qu'ils veulent se faire, mais qui devraient se faire piquer pour quelque chose, ça peut être vraiment n'importe quoi. Des fois, ça peut faire peur à l'enfant. Et ce système-là est absolument génial. C'est le Buzzy Pain Relief System. C'est un système de glace vibrante avec une abeille dessus pour évidemment rassurer l'enfant. C'est fait pour être utilisé sur les enfants qui vont recevoir un traitement qui pourrait être vraiment douloureux, comme une injection pour une maladie, quelque chose comme ça. Donc, vous mettez cette abeille-là contre l'endroit où vous allez vouloir injecter. Vous le mettez là pendant quelques secondes et ensuite, vous le déménagez à une autre partie de son corps pendant que vous faites la piqûre. Bon, ils vont rien sentir ou en fait presque rien. Il y a des centaines de critiques positives et les médecins en parlent en bien. Donc, c'est approuvé par la FDA, la Food and Drugs Administration. Ça a gagné plusieurs prix. Donc, Buzzy, un appareil qu'on tient dans la main qui va minimiser les douleurs, les douleurs intenses. En faisant, c'est pour confondre les nerfs, en fait. Ça va comme tromper le cerveau en faisant différentes affaires en même temps. Ça combine, et là, ça va être vraiment technique, la Gate Theory of Pain Control. Ça, c'est la vibration. Donc, tu contrôles la douleur en faisant la vibration ailleurs sur le corps. Et le Descending Noxious Inhibitory Control, ça, c'est la glace qui va aussi déconcentrer tes nerfs dans ton corps pour que tu ne ressentes pas la douleur. Je trouve que l'idée est géniale. Et même là, il y a une abeille pour les enfants, mais on pourrait le faire pour les adultes avec d'autres choses aussi. 40$ complètement réutilisable, c'est le Buzzy Pain Relief System. J'aimerais ça qu'il y ait une version pour adultes. Aller dehors, c'est bien beau, ok. Mais tu veux savoir combien il fait en ce moment même. Et tu veux pas te fier à une application genre Météo Média qui va dire combien il fait à la sonde la plus proche à quelques centaines de kilomètres de chez vous. Non, tu veux savoir là, présentement, dans la vraie vie, devant toi, combien il fait. Okay. Donc, le thermodo, et là pour vous, c'est petit, léger, remarquablement durable, nous disent-ils, remarquablement. Donc, thermodo, ça va sur votre porte-clés et c'est protégé par un petit étui. Et quand t'en as besoin, t'as juste à brancher le thermodo dans ton appareil Android ou iOS via la prise écouteur, pardon. Et immédiatement, ça va enregistrer la température ambiante là où vous êtes exactement avec une application gratuite. Aucun besoin de courant externe. Tout dont on a besoin, c'est la batterie de votre téléphone cellulaire en tant que tel. Et c'est de la même couleur que votre iPhone en aluminium, donc sandblasted anodized aluminium. Donc quand même joli. Pour 45$ chez Bite My Apple. J'aime bien, moi j'aurais pas d'utilité, mais peut-être que vous, oui. Ça, je pourrais en avoir une utilité. C'est un téléphone qui durerait pour toujours. Pour toujours, évidemment, sauf si vous en servez, donc trop longtemps. C'est la compagnie Tag Heuer. On les connaît pour les montres, mais maintenant, ils entrent dans l'entreprise, la business des téléphones cellulaires, donc Tag Heuer, H-E-U-E-R. C'est la Miridist Infinite. En insérant une cellule photovoltaïque transparente derrière votre écran, voilà, votre téléphone est capable de rester en stand-by, donc en mode attente, là, donc il ne sert à rien en ce moment, vous n'êtes pas en train d'appeler, de façon indéfinie, en tant qu'il reçoive un type spécifique de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Donc, quand tu utilises son téléphone, évidemment, l'Infinite Power ne s'applique plus. Nous dit-on. Donc, comme d'autres appareils très luxueux, les appareils électroniques, vous allez payer très cher pour les matériaux. Donc, saphir, titanium grade 5, carbone, le nom de la marque Tag Heuer, évidemment, fait augmenter le prix. Et c'est quand même pas pour la technologie, parce que la Miridist Infinite fonctionne avec Froyo. Donc, c'est une très, très, très, très vieille version d'Android. Frozen Yogurt, Froyo, ça fait des années que je n'ai pas entendu ce mot-là. Et ça va être produit en quantité limitée, donc 1911 unités, pour être très exact. Et c'est 7 000 $ le prix d'achat pour ce téléphone de Tag Heuer. Je sais pas. Ils fournissent Froyo pour 7 000 $. Il me semble qu'il aurait pu mettre le plus récent. Mais bon. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Pas mal de gadgets. Pas mal cool. 20 minutes top chrono. C'est moins long quand je suis seul. Une petite chanson de se quitter. On écoute Piff Paff Hangover parce que moi, je prendrais un 12-pack de chacun de ces produits-là. 12-pack de Piff Paff Hangover. À Assemblage Requis. Après ça, on se dit au revoir. Piff Paff Hangover et 12 Pack à son âge requis. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. On remercie Cindy Gilbert avec sa chronique Activer votre santé. Aussi Alexandrine Pichessy et la crème de la crème. Demain, l'émission, Véronique Mire va nous gâter avec une chronique sur la lettre G, hein, dans son Véronique Sénat. François Landry va voir rouge dans son segment politique, le Congrès 601. Et on va terminer la semaine avec bon goût, nos classiques bouffe et malbouffe de la semaine. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct. À partir de 7h30, Stéphanie Paradis va être de retour demain. Donc, soyez-y. Plus tard sur nos ondes, à 11h, c'est Dîner de con avec Dany Janvier. En après-midi, hors zone, Julien en liberté. Pas de Mathieu Plancheau aujourd'hui, malheureusement. Donc, à 17h, on passe au voyage insolite. 18h, Rapologie. 19h, Les Audacieuses. Mais dans quelques instants, dans un petit peu moins d'une demi-heure, mais quelques secondes à peine, ce sera Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. Sifu.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions, paquet d'autres choses là-dessus. Tout ce qui se dit, les liens de 5 espèces de répond là sur assemblagerequis.com. Passez une excellente journée, s'il vous plaît, je vous en supplie. À demain. Bye.